Discussion en conscience avec Olivier pour le mois d'août de l'année 2021. Donc ici, David au micro qui vous salue comme à l'habitude. Et après plusieurs mois où on s'était parlé, donc Olivier, eh bien, il est de retour pour une capsule audio aujourd'hui. Donc bonjour Olivier, ça va bien? Bien le bonjour, ça va très bien, merci. Tant mieux. Donc, aujourd'hui, comme j'ai déjà fait avec d'autres invités, compte tenu du fait que beaucoup de censure sur le web, ce que je veux mentionner aux gens d'entrée de jeu, c'est que sur YouTube, il va y avoir la version courte de l'entretien. Et pour la version longue, vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne Odyssey, qui est plus propice à s'exprimer librement, là, notamment là, par rapport à la crise sanitaire, qui sera entre autres l'un des sujets là, qui va être abordé là, naturellement là, dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et pour commencer cet entretien, vu que ça fait plusieurs mois qu'on a discuté ensemble, je me demandais si, au fil des derniers mois, tu as fait des prises de conscience particulières dans ta vie. Par rapport à quoi? Ah, ça peut être par rapport à la vie en général, l'amour, le couple, le travail, etc. Là. Je dirais que la grande prise de conscience que j'ai faite depuis que j'ai rencontré... la fille que je peux appeler maintenant ma blonde, je dirais, c'est que moi, j'avais tendance à beaucoup investir mon énergie dans le développement physique, dans le développement, si on veut, de la concentration, tout ce qui a trait à le rapprochement, si on veut, du corps et de l'esprit, puis d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Mm-hmm. Puis en rencontrant cette femme-là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des strates beaucoup plus subtiles au niveau du couple, au niveau de peut-être même devenir parent, qui étaient inexplorées pour moi, puis à m'amener sur des terrains où ce que j'ai appris que moi, j'avais des craintes par rapport à ça, puis par rapport aussi au fait que je me disais, tabarnouche, ça serait pas intelligent d'avoir des enfants aujourd'hui, ici et ça. Puis je réalise de plus en plus que peu importe qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on désire dans la vie a toujours un plan pour nous. Puis ce plan-là, dans le fond, c'est de réussir à être bien dans n'importe quelle circonstance. Puis je réalise aussi que je pense que c'est propre de l'ego, ça, quand il est trop dans quelque chose de spécifique. Puis moi, dans ma part, je pensais que, tu sais, le soi physique puis le soi intérieur, ben c'était l'ultime. Mais l'échange avec l'autre individu est fondamental aussi. T'sais. Puis quand je parle de ça, je parle pas juste du relationnel de couple, mais aussi au niveau de l'amitié, au niveau des relations plus platoniques, là, des gens en général. Puis d'optimiser ces relations-là, c'est fondamental pour justement réussir à être bien dans toutes les circonstances. Puis je pense que c'est d'autant plus important présentement dans la situation politique, sociale, parce que là, c'est le début, là. Je pense que beaucoup de gens ont l'impression que plus le temps avance, plus c'est proche de finir, mais j'entrevois pas qu'il y ait une fin proche pour les événements qui sont à venir, parce que c'est des événements qui sont essentiels pour la transmutation de la conscience humaine à tous les niveaux, autant pour une âme qui est très évoluée que pour une âme qui l'est un peu moins. Chaque personne trouve son compte dans cette crise-là au niveau d'être confronté à ses faiblesses. Puis je pense que c'est là que le jeu se joue, puis c'est là qu'on voit c'est qui a des centres de gravité, puis c'est qui en a pas. Puis juste, je vais te laisser parler, ce sera pas long, mais je voulais juste poursuivre là-dessus. Mais tu sais, on regarde le processus de vaccination à partir du début jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que ça devient comme plus ou moins obligatoire, on va se le dire. On voit c'est qui a un centre de gravité autour de nous, puis c'est qui en a pas. Puis je pense que autant que ça peut faire peur ou ça peut décevoir certaines personnes, moi je pense que c'est une bonne chose parce que c'est encore plus facile de savoir avec qui on veut avoir des relations puis avec qui on veut pas en avoir, puis d'apprendre à se protéger dans des temps qui sont des assauts psychiques jamais vus. Parce que tu sais, on a eu des assauts physiques, on a eu des guerres, on a eu tout, mais des assauts psychiques de ce genre-là, je pense que c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis... Je sais pas si on a déjà vu ben, ça parce que... C'est là que je voulais en venir. Probablement qu'on n'a jamais connu ça dans le passé parce que dans le passé, les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toute la propagande qui va entrer à travers l'ordinateur, la télévision, le téléphone intelligent 24 heures sur 24, alors qu'au Moyen-Âge ou même dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas aussi sophistiqué que ça. Exactement. Puis ce que je réalise aussi, c'est que c'est surtout la quantité d'informations disponibles. Tu sais, souvent, les gens se demandent, ah, pourquoi les gens se mobilisent pas? Pourquoi c'est le temps de se lever? C'est le temps de manifester? Oui. Mais la seule raison pourquoi que les gens se lèvent pas, c'est que à cause qu'ils ont accès à beaucoup trop d'informations pour une âme ou pour un mental qui se réfléchit, ça crée de la saturation, puis ça crée une certaine forme de paralysie. Donc, on se paralyse dans une croyance qui nous permet d'être confortable. Puis, auparavant, on fait juste remonter dans les années 60, 70, quand il y a eu la crise de. Ben, il me semble que c'était dans les années 70, le FLQ au Québec. Oui, avec la crise d'octobre, c'était en 1970, oui. Ben, à cette époque-là, les gens se parlaient plus. Il y avait moins d'informations disponibles. L'information allait moins vite. Donc, les gens avaient plus le temps de digérer l'information. Aujourd'hui, ça va tellement vite que le système nerveux de chaque individu est dans un état de stress. Et quand on est dans un état de stress, on n'est pas dans un état où ce qu'on peut absorber de l'information nouvelle. Fait qu'il y a beaucoup de gens, à cause de leur peur, que ce soit la peur de leur perte de liberté ou la peur du virus en soi, ou de la peur d'une perte de leur confort personnel, ben ils se rattachent à un fonctionnement qui est très mécanique, qui est très réactif pour pallier justement à ces stress-là. Pour lui donner pour donner à l'ego de la sécurité, dans le fond. Fait que ça va être extrêmement dur, voire impossible, de changer la vie d'une personne qui soit pro ou contre, peu importe, à cause de ce phénomène-là en question. Fait que ce que je vois pour le moment, c'est vraiment d'apprendre à se protéger, apprendre à générer de la liberté à l'intérieur de nous à travers notre conscience, mais aussi être capable de créer un environnement matériel, physique, qui convient à nos besoins. Puis le challenge, il va vraiment être là parce que c'est dans la matière que ça va se passer. Je vois beaucoup de gens qui veulent se sauver, là. Je m'en vais d'ici, je m'en vais d'ici. Ça marche pas de même. Il va y avoir des oppositions partout parce que c'est le temps, c'est la fin de la cinquième Oui, race. mais encore là, on peut clarifier les choses dans le sens que, mettons, la personne, elle s'en va vivre aux États-Unis, en Floride ou au Texas, elle n'aura pas autant de restrictions sanitaires qu'au Québec ou en France. OK. Bien, en fait, le point que je voulais te dire, c'est que présentement, techniquement, quelqu'un pourrait changer, par exemple, de région ou de province ou même aller aux États-Unis. Tu sais, quelqu'un qui va en Floride où il n'y a aucune mesure qui est imposée, que ce soit le port du masque ou autre, il y a des années de lumière du Québec là, où ce qu'on a un paquet de restrictions, puis au moment où ce qu'on parle, le passeport sanitaire est sur le point d'entrer en fonction. Moi, je sais, mais l'esprit s'en fout ce que t'es sur la Terre, parce que la Terre, c'est un concept mental psychologique. Okay? Fait que peu importe si tu t'en vas en Floride, okay, ça se pourrait que tu t'arrêtes de porter un masque à l'épicerie et que tu te sentes bien hot, là, mais il va y avoir d'autres choses. Parce que c'est une vibration. C'est un changement dans la vibration. C'est pas un changement dans les conditions de vie matérielles. Ça, c'est une conséquence du changement de la vibration. On est dans un rehaussement vibratoire, puis quand il y a un rehaussement vibratoire sur la planète, chaque âme est mise en vibration et est challengée selon ses limitations à elle. Fait que tu peux pas te sauver de ça. Tu peux te faire à quoi que tu te sauves. Tu peux échanger une pièce pour 4 sous, mais ultimement, il va falloir que tu braves la tempête. Puis la tempête, ben, elle va être n'importe où sur Terre parce que c'est une tempête psychique, on le disait au début. C'est une guerre psychique, c'est pas une guerre physique. Le monde n'a pas assez de couilles pour aller se battre avec des armes à feu, là, oublie ça, là. Non, mais la guerre, la dimension psychique liée à ce qui se passe présentement, moi je vois ça entre les forces du plan éthérique qui cherchent à descendre, puis les forces retardataires astrales qui cherchent à empêcher ça. Qui cherche à empêcher ça, c'est des lois de résonance. C'est que à chaque fois qu'il y a de l'esprit qui pousse, il y a de l'astral qui monte. C'est naturel. C'est un phénomène naturel. C'est comme quand tu fais passer de l'eau dans un tuyau, ben la vieille eau, elle va sortir en premier. C'est un processus. C'est de l'architecture de l'esprit, ça. Fait que, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que quand que tu rehausses le taux vibratoire au niveau de l'esprit dans l'âme incarnée, ben, toute la crasse monte à la surface. La crasse, quand je parle de crasse, je parle de peur essentiellement, parce que c'est les craintes qui génèrent des comportements qui peuvent être négatifs, vus comme moralement, qui ne devraient pas être faits comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que selon moi, c'est inévitable. Brace yourself, bâtissez-vous un système nerveux, faites-vous grandir une poule de paire de. Oui, mais dans le fond, le point sur lequel je voulais t'amener, c'est qu'il y a le changement vibratoire, puis tu as la crise en lien avec la menace du coronavirus. qui se déroule présentement. C'est sûr que on peut voir ça comme étant interrelié, mais on peut voir ça aussi comme étant deux choses différentes, là. Deux choses différentes, c'est-à-dire quelles choses? Ben, c'est-à-dire qu'on a, depuis plusieurs mois, là, on nous fait croire là, qu'il y a une menace liée à un coronavirus. Et c'est sûr que, bon, ça occasionne beaucoup de peur chez des gens. Puis il y a des gens qui ont peur soit du virus en tant que tel ou des mesures qui sont mises en place pour contrer le virus qui sont très liberticides. C'est ça, c'est polarisé. Exactement, il y a une grande polarisation qui se produit. Mais ça, c'est juste à cause qu'il y a, oui. Il y a encore des craintes dans l'âme. Autant la peur de perdre tes droits est autant insignifiante que la peur du virus. Au niveau de l'esprit, je parle. Dans le sens que ça fait juste manifester en toi ou te faire voir que tu as des peurs par rapport à quelque chose. Parce que l'esprit, c'est intelligent. Moi, depuis 17 mois, je pense, 17 ou 18 mois de cette pandémie-là, je me suis jamais fait chier. Je me suis fait chier à cause de mon esprit, à cause de tous les événements oppositionnels que j'ai dû avoir à faire face, les tensions psychiques que j'ai vécues. Mais ça a toujours été créatif dans la mesure où ça m'a fait évoluer. Mais c'est la job à chaque individu de générer son propre, si on veut, sa propre bulle, son espace, puis de faire respecter son espace. Puis ça se manifeste dans le sens que moi, mettons, à ma job, on n'aimera rien de spécifique, mais il y avait des visites de CSST, puis il y en a eu 4. Puis c'est un gros centre, OK? Il y a beaucoup de choses dans où est-ce que je travaille. Puis moi, je suis la seule facette de tout le resort au complet qui n'a jamais été inspectée. Il y a eu des plaintes dans tous les autres départements. Moi, j'ai jamais eu de plainte. La police est venue ailleurs et jamais venue à moi. On peut dire que c'est une coïncidence. Pas de problème. On peut dire que c'est prédéterminé. Pas de problème. On peut dire aussi que la vie, c'est intelligent. Fait que ça met en initiation certaines personnes sur certaines affaires. Mais à un moment donné, quand il y a des choses qui sont complètement anti-intelligence, comme un passeport vaccinal, par exemple, parce que tu sais, il faut considérer le fait que le vaccin ne donne pas d'immunité. Puis de tirer des conclusions sur l'efficacité du vaccin avant même qu'on aille à faire la face à la saison de l'influenza qui va se dérouler au décembre-janvier, on ne peut pas tirer aucune conclusion. Puis déjà, on voit des gens qui sont contaminés, qui sont vaccinés, des gens qui sont hospitalisés. Bien, c'est ça que moi, que ça ne me rentre pas dans la tête, l'histoire d'imposer un passeport vaccinal au Québec, étant donné que ça n'empêche pas de l'attraper puis de contaminer les gens, tu sais. Je sais, mais il n'y a rien de logique, c'est du fanatisme. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur, qui dirigent, puis ont tellement peur qu'ils vont faire n'importe quoi là, pour essayer de rassurer la population puis garder le contrôle. Essentiellement, ce qu'ils veulent, c'est... Eux autres, la seule chose qui les intéresse, les politiciens, c'est d'être réélus pour pouvoir continuer à se nourrir indirectement de l'argent qui circule à travers Wall Street puis à travers tout ce qui est les lobbyismes des compagnies puis ici puis ça. Okay? Le gouvernement, les premiers ministres, ces gens-là, essentiellement, ils sont pas intéressés à ton bien-être. Parce que s'ils avaient été intéressés au bien-être des individus qui habitent la population québécoise, américaine ou n'importe quel pays, ils travailleraient pas de cette façon-là. Fait qu'il faut arrêter d'être naïf. Il faut arrêter de penser que le gouvernement essaie de travailler pour nous. Il travaille pour ses intérêts. Mm-hmm. Il travaille pour profiter. Puis c'est correct. Chaque personne, la vie, là, c'est comme un canevas blanc, puis tu peux peinturer ce que tu veux. Il y a des lois, mais il y a des gens qui défient ces lois-là, des lois, on va dire, morales, mais ils vont payer éventuellement. Mais c'est à nous de faire défendre nos droits. Puis faire défendre nos droits, c'est pas de se collectiver ensemble puis d'essayer de changer le monde en créant toutes sortes de patentes à gosses. C'est en créant un environnement, des relations autour de soi qui nous protègent de ces conneries-là. Moi, je t'ai mis avec 4 à 5 policiers. Moi, j'en ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils sont contre ça, puis ils veulent pas agir là-dessus, puis ils vont travailler pour nous autres. Mais les gens, ils font tout ça, je sais pas, j'espère. C'est important d'avoir des relations avec des médecins. Moi, j'ai des pharmaciens, j'ai des médecins, j'ai des policiers, j'ai des gens de la SQ. Mm-hmm. Et tous ces gens-là me rapportent de l'information, puis je parle avec eux autres, puis on se respecte beaucoup mutuellement, puis on comprend la réalité de chacun de notre travail. Mais je peux te dire une chose, c'est que ces gens-là, ils veulent pas voir les centres comme on a fermé. Puis ils veulent nous en parler. Ben, c'est sûr qu'ils n'auront pas intérêt à ce que, tu sais, un centre comme le tien ferme. Tu sais, si la personne y va régulièrement. c'est ça que je te dis. Fait que il faut pas tomber dans la peur, faut utiliser la colère qui vient du fait qu'il y a une injustice. Okay, je suis d'accord qu'il y a une grande injustice. Puis cette colère-là, il faut l'envoyer vers les plans. Faut pas l'envoyer à travers les politiciens, puis de la haine, puis du ci, puis tout ça. C'est du gaspillage. Ça, c'est shorter qu'est-ce qu'on est vraiment. Parce que la colère de l'esprit, là, ça permet justement de défaire toutes ces limitations-là, mais seulement dans notre vie à nous. Faut pas se mêler de la vie des autres. Oui, parce que tu peux rien faire pour les autres. Non, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, si les autres font ingérence dans notre vie pour nous forcer à nous faire vacciner, ou si, par exemple, quelqu'un nous écoute et son employeur menace de le congédier parce qu'il n'est pas vacciné... Tu résistes intelligemment. Puis si tu es un asset pour ta compagnie, c'est ta compagnie qui va te protéger. Moi, c'est ma compagnie qui me protège. C'est mes employeurs, c'est les actionnaires de la compagnie qui travaillent pour moi pour m'empêcher justement de perdre ma job, m'empêcher de ne pas pouvoir m'entraîner. Eux, ils travaillent pour moi parce qu'ils comprennent le bien que j'apporte pour la business puis comment qu'on travaille mutuellement ensemble à faire grandir une entreprise qui monte en chiffre d'affaires constamment. Fait que pour moi, là, je suis pas inquiet avec ça. Des business de grosses compagnies, des corporations, des cochonneries comme Olimel, mettons, ou n'importe quel gros business qui traite leurs employés comme du bétail, qui les paye pas, qui leur donne pas de conditions de travail, qui sont toujours en grève, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est des jobs de même, ça mérite d'être banni, ça mérite d'être boycotté. Le monde devrait dire, c'est bon, ben moi j'ai de l'énergie, je vais me partir quelque chose à mon compte, je vais aller ailleurs. Mais les gens, ils font quoi? Ils continuent d'aller dans des jobs de même puis ils se plaignent. Des calices. Il faut arrêter de donner de l'argent à ces gros crises de gars de Wall Street-là, ces gars qui ont de l'argent, les gros, les boss, les CEO de corporations, en faisant leur job, puis ils nous payent des salaires de merde avec un argent, une devise qui est toujours en perte de puissance à cause de l'inflation. C'est une honte totale. Il faut vraiment prendre responsabilité de nos vies puis faire quelque chose qui suive qu'est-ce qu'on a en dedans. Moi, je fais ma job. Ma job, c'est ce que j'aime le plus. Fait que je travaille jamais. Je comprends. Tu fais ce que t'aimes, moi. Ouais. Ben oui. C'est ça. Mais le point sur lequel je veux t'amener, c'est que là, présentement, il y a une volonté très ferme là, du gouvernement du Québec et différents pays d'imposer la vaccination à tout le monde. Puis tu sais, ils vont étape par étape. Au début, c'était quasiment drôle. Là. Christian Dubé dit « Ah, si tu te fais vacciner, tu vas avoir un hot dog ». Après ça, ils ont sorti la loto-vaccin. Donc, au Québec, si vous faites vacciner, vous avez des chances de gagner des prix. Ils n'ont pas dit si on avait des chances de faire une thrombose, là, mais ça, c'est un autre aspect. Là. Mais tu as des chances de gagner un voyage dans le sud, de l'argent. Fait que ça, c'était la carotte. Puis là, progressivement, depuis quelques semaines, ils sortent le bâton. Ils vont dire, ben là, si tu ne fais pas vacciner, tu ne pourras pas aller au cinéma, tu ne pourras pas aller au gym, il va avoir le passeport sanitaire. Puis là, on était rendu au point où ce qui menaçait les employés de la santé, puis peut-être même élargir ça aux employés de l'État, que s'ils ne se font pas vacciner, ils vont perdre carrément leur travail. Fait que là, on est dans une espèce d'escalade de mesures qui se fait présentement. Puis, dans le fond, moi, ce que je vois derrière ça, c'est le chantage, l'esprit de manipulation de certaines forces pour imposer un agenda puis écraser des individualités, là. Bien, ça, je comprends. Parce qu'il faut faire la nuance entre ce que les médias rapportent et ce qui est la réalité. OK? Première chose, d'abord, on va parler du virus, puis après ça, on va parler du vaccin, puis après ça, on va parler du passeport vaccinal, si ça te tente. Parfait, allons-y logiquement. OK. D'abord, le COVID-19, bon, ça a été irréfutablement prouvé que c'est un virus qui a été modifié au laboratoire. OK? Les gens qui ne sont pas au courant de ça ou qui dénient ça, il va falloir qu'ils font juste regarder les nouvelles conventionnelles, si on veut, le média de masse américain, qui a eu des procès, pas des procès, mais des conversations avec Fauci. Les courriels là, qui ont fuité là, dans les médias de masse, là, c'est-à-dire qu'il y a eu des conversations qui étaient faites entre Anthony Fauci, qui s'occupe de la santé aux États-Unis, comme de quoi qu'il travaillait sur des gains de fonction par rapport à des coronavirus là, quelques jours avant que l'épidémie. Oui. Puis bien, le coronavirus, c'est effectivement un gène de virus qui semble être très particulier dans le sens que tu vois que quand tu le pognes, c'est pas un virus qui vient de la nature. Il y a des symptômes vraiment, vraiment particuliers. Puis tous ces symptômes-là peuvent être attribués à la protéine Spike. Mm-hmm. Puis la protéine Spike, ce qui est intéressant avec elle, c'est que son comportement sur les cellules est vraiment particulier. C'est vraiment un inflammatoire. Ça crée de l'inflammation au niveau de la cellule, puis ça a tendance à créer des caillots sanguins. Puis quand les gens attrapent la COVID-19, puis je veux juste dire que malgré tous les tests PCR, puis tous les cas, puis tout ça, maintenant qu'on sait que le test PCR, d'un, il est très sensible, de deux, il teste autant pour la COVID que pour l'influenza A et B. Donc, il faudrait des tests plus approfondis pour vraiment savoir si c'est un ou l'autre. Donc, la plupart des cas qui sont pulmonaires graves, neurologiques, c'est-à-dire perte d'odorat, perte d'énergie massive, concentration, des gros problèmes neurologiques, tout ce qui est digestif, mais intense, tout ça, c'est probablement la COVID-19. Mais la COVID-19, ça semble très, très rare comparativement à la circulation de la grippe puis de l'influenza. Parce que les symptômes, si tout le monde avait pogné la COVID-19, à cause que c'est un virus qui est génétiquement modifié, semble avoir des impacts sur la santé qui est beaucoup plus long terme chez la plupart des gens qui ne sont pas en santé. Des gens qui ont des comorbidités, eux autres vont avoir vraiment des risques de mourir et des symptômes graves. Ceux qui sont en bonne santé, le corps a tendance à bien le gérer parce que quand on pogne la COVID, on la pogne dans un organe précis. On ne la pogne pas partout dans toutes les cellules de notre corps. Fait que ça, c'est plus facile à gérer, exemple. Mais La deuxième chose, attends une minute, vas-y. après ça, je vais fermer ma parenthèse. C'est que j'ai entendu dire que les gens qui se faisaient vacciner, c'était toutes les cellules du corps qui allaient générer les anticorps, puis ce qui fait Moi, je que... voulais pas aller là-dessus parce que OK. justement, je voulais parler de ça dans les zones de vaccination. OK, parfait. Fait que je te laisse continuer, puis tu fais très bien ça en passant, en partant du vaccin, puis ensuite à la logique de la vaccination, puis le passeport. Fait que je te Ben, laisse merci. continuer. Donc, c'est ça. Fait que là, l'affaire que je trouve le plus particulier, par exemple, par rapport à la COVID-19, pas au niveau physiologique, mais au niveau de la capacité d'isoler le virus, c'est qu'il y a eu deux événements où ce que j'ai entendu parler, qu'il y a eu des gens qui contestaient des amendes. Un récemment en Alberta qui avait contesté une amende COVID pour je ne me rappelle plus quoi. Puis que la seule chose qu'il avait amené en cour, c'était prouvez-moi l'existence du SARS-CoV-2. Puis le gouvernement canadien ou la cour canadienne n'a pas été capable de lui donner les documents, donc il a été acquitté. Mais ça, apparemment, c'est une fausse nouvelle. Ben, ça se pourrait, mais moi, je trouve ça particulier. Dans le sens que ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Je ne suis pas en train de dire que le virus n'existe pas parce que clairement, je viens de vous expliquer qu'il y a des symptômes particuliers qui s'attribuent à ce virus-là. Mais pourquoi que le gouvernement, ou si c'est pas vrai, ben, tant mieux. Mais j'aurais été surpris de voir cette preuve-là, moi, là, n'importe quand dans la journée, là, juste pour le fun. Bon, OK, c'est ça, ça a l'air de ça, cette structure-là, c'est beau. On l'a isolé à telle affaire. C'est ça qui m'intéressait. Mais si tu dis que c'est une fausse nouvelle, ben, je sais pas c'est qui dit que c'est une fausse nouvelle, par exemple. Oui, ben en fait, les gens de la Fondation des défenses des droits et libertés du peuple, ils ont apparemment analysé le dossier là, de l'Albertain, puis ils ont venu en conclusion qu'au niveau légal, il y avait en tout cas des éléments qui concordaient pas là. Comme quoi, je serais curieux de savoir, parce que j'ai pas Ben, entendu parler de ça. honnêtement, j'ai pas mémorisé l'information, puis je m'attendais pas d'y en parler, fait que je suis pas préparé pour t'en parler, mais je vais te donner le lien de la vidéo et Pas de sur problème. Facebook. C'est par rapport à Stéphane Blais, Stéphane Blais là, qui s'occupe de la fondation, qu'un autre était avec un avocat puis il commente là. Bon, fait qu'on va partir avec le principe, comme je disais au début, que c'est clairement que le virus existe. Il n'est peut-être pas isolé, isolé par Santé Canada, peut-être un autre pays, au pire, n'importe quoi, mais le virus, il est là. Bon. Fait que là, on va sur le sujet de la vaccination. Par rapport à la vaccination, moi, j'ai aucun problème à ce que les gens se fassent vacciner. Je pense que ça devrait être gratuit, dans le sens que c'est pas gratuit parce qu'il y a une partie des impôts qui va être utilisée pour payer les compagnies pharmaceutiques qui distribuent certaines compagnies, qui distribuent certains vaccins. Mais de là à la quantité de publicité puis de temps médiatique pour pousser le vaccin, je trouve ça un petit peu particulier parce que j'ai jamais eu aucune campagne de vaccination aussi poussée que celle-là pour un vaccin qui a aussi peu d'expérience ou de temps de vie, dans le sens que ça fait pas longtemps. Je comprends, OK, il y a du monde qui disent que la technologie ARN, ça fait longtemps qu'elle existe, d'autres non. Mais peu importe, le vaccin précis pour la COVID, c'est un vaccin qui vient juste de commencer ses tests. Moi, je pense que si on est raisonnable, mettons qu'on n'est pas une société d'hystériques, on pourrait prendre 5 ans pour tester un vaccin, graduellement, en utilisant des traitements alternatifs qu'on a appris à travers la crise qui fonctionnaient, malgré la censure et tout ça, il y a des gens qui ont des résultats. Ben oui, avec Ça aide les d'une certaine manière. vermectines, l'hydroxychloroquine. Peu importe. Chaque personne est différente, mais chaque personne peut se traiter. Puis il existe des médicaments pour traiter des. Il s'agit juste de ne pas y aller d'une façon arbitraire, mais très précise. Chaque individu est différent, on le traite différemment. On prend le temps de le traiter, on prend le temps de lui expliquer c'est quoi être en santé, comment se nourrir. T'sais, mettons qu'on voudrait aider. On ne fera pas ça, mais à la place de ça, on va investir des millions de dollars dans la publicité d'un vaccin qui peut pas, on peut, personne ne peut dire qu'il a fait ses preuves encore parce que on regarde, on n'est même pas arrivé à l'hiver. Okay? On n'est même pas arrivé au temps où ce que les cas montent pour vrai de n'importe quel virus respiratoire. Donc, Exact. c'est là le test. On tire pas, on joue pas comme si on avait gagné la partie avant même d'avoir été dans le ring. Tu n'as pas gagné le combat encore. Là. On va voir, tu vas faire tes 5 rondes dans le ring, puis après ça, tu verras si tu as gagné ou non. Moi, je trouve ça raisonnable d'attendre. Fait que j'attends. Donc, je regarde ça. Puis là, je vois des gens qui sont vaccinés, qui sont hospitalisés, parce que la catégorie la plus grande des hospitalisations au Québec en ce moment, c'est les 50 ans et plus. C'est eux qui sont le plus vaccinés, en tout cas du moins 2 doses. Oui. Ça environne entre 80 et 96 %. Fait que peu importe les catégories d'âge. Puis ces gens-là vont à l'hôpital quand même. Pourquoi? Je sais pas. On n'a pas d'informations. Moi, la seule information que j'ai, par exemple, par rapport à ce virus-là, ce qui me perturbe un peu, le vaccin plutôt, pas le virus, on en a déjà parlé, c'est que le vaccin, premièrement, bon, il semble avoir des effets secondaires parce que, écoute, on peut dire que oui ou non, moi j'en ai vu passer partout, des thromboses, de paralysie, de perte de menstruation, de problèmes avec la fertilité, toutes sortes de choses que j'ai entendues. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, Mais en tout cas, il y mais en a qui ont été documentés dans les médias de masse lors du printemps de l'année 2021 par rapport à des cas de thrombose multiple en Europe là, avec AstraZeneca, là. ah, puis même ici au Québec, je me rappelle, dans un foyer de personnes âgées. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, en plus de ça, le vaccin ne semble pas donner aucune immunité au virus, ni empêcher de le donner. Ça, c'est assez particulier parce que normalement, techniquement, un vaccin, mais si on regarde le vaccin pour la grippe, c'est pour ne pas la pogner, la grippe. Pourquoi? C'est ça. Quand tu allais te faire vacciner pour la grippe, tu n'allais pas te faire vacciner pour la grippe pour protéger des personnes autour de toi. Ça n'a jamais été ça le but du vaccin pour la grippe. Mais Là, on regarde un peut-être que virus c'était qui pour diminuer la contamination, tandis que là, ce que je comprenais du vaccin du coronavirus, c'était pour diminuer les symptômes puis éviter qu'il y ait de l'hospitalisation. est. Un vaccin, c'est toujours pour diminuer les symptômes dans l'individu, pas dans les autres. Parce que ton véhicule, c'est à toi. Tu n'as pas de contrôle sur l'autre véhicule. D'abord, les virus, il y en a partout. Le monde, il pense qu'il respire de l'air. On est des compositions atomiques, on est de l'énergie. Dans le fond, tous les virus que tu as autour de toi, là, ton corps est toujours en train de se défendre de toutes les menaces extérieures. C'est ça son processus. Toutes les muqueuses de l'organisme sont pleines de bactéries qui travaillent pour nous. On a 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans notre corps. Puis c'est ça la force de vie qui protège l'organisme, qui le garde en équilibre, qui lui permet de bien absorber les nutriments dans la nourriture, se défendre des virus, se défendre des déchets, éliminer les déchets, absorber ce qui est bon, protéger l'organisme. Okay? D'ailleurs, on l'a vu, là, ça a été étudié plein de fois, là, quand les gens ont des biotes intestinales tout croche, ils ont des maladies. Puis ça peut aller jusqu'à des maladies neurologiques. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que d'abord, on a un système immunitaire. Puis ce système immunitaire-là, il fonctionne très bien lorsqu'il est dans des conditions de vie qui sont optimales. Mais nous autres, on n'a pas d'éducation là-dessus. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va à la première chose qu'on pense qui peut nous sauver, parce qu'on a l'impression qu'on peut être sauvé par quelque chose. Fait qu'on va se faire vacciner. Le problème avec le vaccin, c'est que le vaccin, dans le fond, là, l'ARN messager, semblerait-il que ce serait Pfizer, Moderna, je pense, qui utilise l'ARN messager seulement, mais je suis pas sûr. L'ARN messager, ce que ça dit, c'est que ça dit à l'ADN de produire de la protéine Spike. Puis là, la protéine Spike, elle s'attache au récepteur ACE2, qui là, ben, elle génère une certaine forme d'inflammation, puis elle semble, c'est comme un peu pour mimiquer les anticorps de COVID. Sauf que là, tu en as partout dans ton corps. Puis il y a des gens qui semblent développer des réactions négatives à ça. Fait que de là à pousser ce vaccin-là autant à des groupes d'âge qui sont absolument pas à risque, puis d'empêcher les gens d'avoir de la joie de vivre, parce que dans le fond, tout ce qui est bloqué en ce moment, c'est tout ce qui produit de la joie de vivre. Fait que c'est comme une grosse brigade anti-plaisir qui, supposément, si toi, t'es isolé des autres, faut les protéger. Mais jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, là, partout où on est dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a plein de monde qui se voit. Là. Okay? Vacciné, pas vacciné. Il n'y a pas de passeport vaccinal. Il y a du monde au restaurant en ce moment qui mange. Puis là, le 1er septembre, il va avoir un passeport vaccinal parce que tout d'un coup, là, ça va être dangereux. Il n'y a pas de cas. Ou du moins, il y a plein de cas, mais il y a plein de cas asymptomatiques parce que les gens qui sont vaccinés, ils ne développent pas des formes graves du virus. C'est ça. Puis, mais ça, c'est quelque chose qui est bon parce que c'est tellement incohérent que ça va être extrêmement dur à appliquer. Dans le sens que les médias disent « ça sera un acte criminel qui va être poursuivi en justice ». Le seul acte criminel présentement... Ben, si la personne pirate le passeport, ça va être un acte criminel. Le seul acte criminel présentement avec le passeport vaccinal, c'est l'acte criminel contre l'article 15 des Chartes des droits et libertés du Québec. C'est le seul acte criminel. Donc, quand tu vas aller en cours avec ça, puis j'espère que les gens vont aller en cours avec ça, ça va être très facile à défendre. Puis le décret ou pas de décret, il va falloir que tu prouves que ça a été dangereux ce que tu as fait, que tu as été un risque pour la société, que tu étais un danger. Puis si tu es dans une entreprise où presque tout le monde est vacciné, puis un non-vacciné, puis un cas, puis il n'y a personne de malade, ça va être bien dur de donner un ticket de 6 000 $ ou d'emprisonner quelqu'un pour ça, je vous le dis. Là. D'ailleurs, moi, je parle avec des gens qui sont en justice, des avocats, puis des policiers, puis la plupart des tickets sont acquittés. Fait que les gens roulent beaucoup sur la peur à cause de la TV, puis des journaux de Québec, la grosse face à Dubé fâchée, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a un système judiciaire, mais il est low profile. Mais pensez-vous que les avocats, ils trouvent pas ça révoltant, ce qui se passe? Mais il faut qu'ils ferment le gueule, sinon ils vont perdre leur job. Ben, c'est celle-là que j'allais dire. Mais quand t'arrives, par exemple, en cour, là, c'est les lois de la cour. Puis un décret, ça l'a jamais... faut que ça prouve, il faut que ça prouve que ça soit valable de violer la charte. Ouais, je comprends, il faut que ça soit justifié. Normalement, le fardeau de la preuve va au gouvernement de démontrer que les moyens extrêmes étaient justifiés compte tenu de la nature de la situation. En lien avec ça, dans le fond, Stéphane Blais de la Fondation des droits et libertés, son organisation avait été en cours par rapport au couvre-feu, en disant qu'il y a de mettre un couvre-feu à 20 h, parce que c'est ce qu'il y a eu cours il y a quelques mois là, au Québec. Oubliez ça, là, Stéphane Blais. Là, non, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même intéressant. Ça a été devant en cours le dossier, puis la personne a plaidé que c'était injustifié, ça violait les droits et libertés. Puis la personne qui était juge a dit, compte tenu de la menace du coronavirus que le gouvernement a statué, puis le ministère de la Santé, ben c'est justifié. Mais elle n'a pas remis en question le gouvernement, tu sais, elle n'a pas évalué par elle-même le juge. Mais c'est normal parce que lui, pourquoi je vous dis oubliez ça, Stéphane Blais, la Fondation, c'est pas oublier là, il est pas bon. J'ai rien contre cet homme-là. Je vais juste vous dire que ça va être impossible d'enlever les mesures. Mais c'est possible si tu pognes un ticket, parce que je te garantis que personne ne va pogner d'étiquette quasiment à part dans TV. Là. Non, mais il y a des gens qui ont pogné d'étiquette. Moi, je suis en contact présentement avec une femme qui en a eu plusieurs en lien avec le couvre-feu. Elle m'a dit qu'elle avait 3 tickets. Puis là, moi, je suis le dossier parce que ça remonte à l'hiver 2021. Fait que là, elle a reçu l'étiquette, elle a dit qu'elle conteste. Puis là, ça fait plusieurs mois. Au long moment où on se parle, il est au mois d'août, puis ils l'ont pas achalé, elle n'a pas été encore convoquée en cours. C'est ça. Il n'y a rien qui va se passer avec ça. Ben, j'imagine, parce que dans le fond, l'étiquette, mais en tout cas, dans le fond, je ne vais pas statuer parce qu'il ne faut pas non plus chercher à avoir d'étiquette, mais le point, c'est que ce que j'avais entendu dire par rapport aux gens qui avaient violé le couvre-feu, puis les gens qui avaient des rassemblements illégaux, c'est que la plupart ont contesté. Il y avait au-dessus de 80% des gens qui avaient contesté, ce qui fait que les tribunaux sont présentement surchargés pour tout traiter ça. Là. Ils n'ont pas les effectifs pour c'est ça. Ces genres de mesures-là. C'est pour ça que je trouve ça dommage que les entreprises ils se révoltent pas, parce que ça serait tellement facile pas de enlever les mesures, tu fais juste plus les appliquer. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ils peuvent plus rien faire. Parce que si tu te bats contre le gouvernement et tu réalises que c'est lui l'ennemi, dans le sens que c'est lui qui génère des conflits sociaux présentement, puis de la division, parce qu'il n'y a aucun besoin pour un passeport vaccinal, pour un vaccin qui a autant peu d'efficacité que ça. Les gens, là, puis les histoires d'horreur dans les hôpitaux, là, comme quoi c'est la fin du monde, là, parce que j'aurais dû me faire vacciner, tu regardes, c'est des personnes obèses. Ben, c'est ce que j'ai Moi, je vu moi suis aussi. désolé, là, Oui. mais ça fait des années que je prends soin de ma santé mentale puis physique. Puis moi, des gens qui prennent pas soin de leur santé, qui sont toutes croches dans leur vie, qui ont des souffrances, qui sont pas capables de se gérer, qui n'ont pas de conscience, écoute, c'est pas drôle. Je trouve ça dommage, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Puis moi, quand ces gens-là, ben, ils décèdent à cause d'un virus, ben, je me dis, malheureusement, tu n'avais pas les ressources nécessaires pour être capable de faire face, puis c'est dommage, mais tu vas avoir une autre chance. Bon, la Make it easy. personne, c'est sûr, l'âme a pu se réincarner, mais le point, c'est que le gouvernement, au lieu d'éduquer les gens à faire face à la C'est pas sa COVID, job! ben non, C'est pas sa job! mais le gouvernement devrait donner une base en matière Non! d'alimentation, Vous avez entraînement beaucoup physique trop. aux gens, au lieu de mettre juste l'emphase sur le Fuck vaccin comme off! étant la Fuck seule off! solution. C'est pas sa job! C'est des bandits! C'est une gang de bandits! Puis vous attendez des bonnes choses d'une gang de bandits! Vous êtes réellement ignorant! Vous êtes naïf! Vous êtes d'une naïveté déconcertante si vous croyez que le gouvernement y a votre bien à cœur. Arrêtez de penser que le gouvernement devrait, puis devrait, puis devrait. On n'est pas dans. J'ai pas cette naïveté-là, mais quand même, un Je rapport de parle pas de force toi. peut être établi avec le gouvernement. Ça sert à rien. Ben, Parce que la attends une machine est minute. plus grosse que ça. La machine est plus grosse que le gouvernement. Non, non, mais C'est juste des pions. je comprends. Il y a des intérêts mondialistes derrière ça qui ont beaucoup d'impact, mais il y a quand même, des gens qui tiennent tête au gouvernement qui ont eu des résultats. Tu te rappelles en 2020, le gym qui avait, dans le fond, lui, il a dit, moi, je vais réouvrir, là, que le gouvernement réouvre ou pas à cause du confinement, là, Marino, là, à Québec. Bon, mais ben, lui, il a tenu tête au gouvernement. Puis, en faisant cette annonce-là, le gouvernement a annoncé la semaine suivante qu'il réouvrait les gyms. Fait que moi, la façon que je vois ça, c'est que si, dans le fond, les commerces, dans les prochains jours, décident de boycotter le passeport, ben, à ce moment-là, ça va tomber tout seul. Ils vont pas le boycotter. Les gens sont fatigués. OK, tout le monde que je vois dans la journée sont écœurés de mettre un masque. Il n'y a personne qui aime ça mettre un masque. Puis là, tu leur demandes en plus de sortir une application, leur permis de conduire, tout le gogos. Ils sont écœurés. Ils se sont fait vacciner deux doses. Ils veulent la paix. Ils veulent vivre. Ils veulent aller au restaurant pour avoir la crise de paix puis d'avoir du fun avec leurs amis. Puis là, il faut encore qu'ils portent un masque puis qu'ils fassent de la distanciation puis des hosties de plexiglas puis du maudit désinfectant à main. Tabarnak. Chris, c'est quoi le rapport? Même moi, je serais double vacciné puis je serais en furie en ce moment. Fait que les gens qui sont pour le passeport vaccinal, c'est réellement des raisins secs, là. T'sais, puis c'est pas la majorité. La majorité du monde sont allumés. Ils veulent vivre, câlisse, là. Moi, je connais personne qui tripe sur ce qui se passe. Ça, c'est juste dans la TV, ça. C'est des sondages légers marketing qui sont financés par le gouvernement, puis que tout le monde se crosse là-dedans, là. Puis ils font tout du cash l'un sur l'autre, puis les médias, ils font de l'argent au bout parce qu'ils vendent des histoires qui n'ont pas d'allure. Non, Mais c'est en ça. réalité, là, il se passe rien de ça. C'est une illusion. Il faut débarquer de la télévision, puis il faut arrêter de penser que c'est la réalité. Moi, le passeport vaccinal, là, si l'esprit décide qu'il veut pas, il veut pas, puis il veut pas. Fait que check bien ça. Ça va tomber drette net sec de même. Parce que j'ai pas l'énergie, moi, de vérifier ça. J'ai pas la vibration. J'ai d'autres choses à faire de ma vie que de vérifier un code QR. C'est pas de mes calices d'affaires. OK? Fait que la police, ça va arriver si elle arrive. OK? Probablement jamais. Puis si elle arriverait, là, j'y expliquerais, puis il serait tellement, il comprendrait tellement ce que je veux dire qu'il s'en irait, puis il ferait comme si de rien n'était. Parce que c'est ça, le pouvoir de l'amour puis des relations humaines. Quand tu parles au monde, puis tu dis les bonnes affaires, dans le sens que tu dis les choses qui sont vraies, les gens, ils comprennent. Mais si tu es en colère, puis tu es en révolte, puis tu essaies de résister le système, tu vas te faire chier. Moi, je fonctionne pas de même, puis j'ai jamais de marde. Je porte jamais de masque, je fais jamais rien. Personne ne me dérange. Non, mais il y a des gens qui peuvent être raisonnés, mais il y en a d'autres que c'est pas le cas, là, tu sais. Oh, mais il n'y en a pas dans mon environnement parce que j'ai Ben, une tant haute mieux. vibration. Tant mieux, Olivier, Non, mais je ne suis pas en train de dire je suis chanceux puis les autres, vous êtes Non, mais soucheté. c'est-à-dire que. Changez votre attitude. Non, mais je comprends, il faut savoir s'entourer aussi. Moi-même, dans mon environnement, j'ai pas eu à l'heure actuelle un de mes amis ou de mes contacts qui me dit, tu t'es fait vacciner, puis mettre de la pression pour me faire vacciner. J'ai pas ça, là. Je tolérerais pas D'abord, ça. c'est pas des crises d'affaires Ben, si c'est je suis ça. vacciné ou non. Tu demandes ça aux gens, c'est quoi qu'ils prennent comme médicament pour l'anxiété? Mais non, c'est supposé être quelque chose de personnel. Puis, tu sais, le passeport, l'idée que tout le monde sache en tout temps c'est qui est vacciné ou non pour rentrer dans un commerce, c'est super discriminatoire. Tu sais, si on ferait la même chose pour les Noirs, on dirait ça prend. Tu sais, la discrimination qui a eu cours en Afrique du Sud, où ce qu'on empêchait les Noirs de rentrer dans un commerce ou les Juifs dans l'Allemagne nazie. Mais on prend d'autres exemples au niveau de la religion, l'orientation sexuelle, la couleur de la peau, puis les gens vont dire ça n'a pas de bon sens, c'est discriminatoire. Puis là, sur le statut vaccinal, ah non, ça, c'est, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de cohérent là-dedans parce que le but, c'est pas la cohérence. Le but, c'est le désordre mental. Parce que quand tu désordonnes, quand tu crées du désordre dans le mental de l'être humain qui n'est pas conscient, tu peux le contrôler comme tu veux. Ben, tu peux le manipuler à travers la peur. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr. Dans le fond, là, comme je disais au début de l'enregistrement, le but, c'est de confronter ses craintes, c'est de repousser ses limites, c'est de pousser un peu contre le système. Tu sais, moi, le monde, il me dit, t'es-tu vacciné? Non. Ils peuvent rien dire. Il y a personne m'abstine, personne m'essaie de me contre. Il n'y a rien. C'est impossible. Parce que c'est pas moi qui a décidé ça. Ça a dit non en dedans, c'est non en dedans. Parce que moi, quand j'ai eu mon accident, puis j'ai failli mourir, puis j'ai été 7 fois opéré à la tête, là. Quand que ça disait non en dedans, c'était non en dedans, puis c'est ça qui m'a sauvé la vie. Fait que moi, là, avant que quelqu'un soit capable de venir puis essayer de travestir ma fonction, là, ou m'empêcher de travailler, bonne chance. Sérieux, bonne chance. Pas dans le sens qu'il va y avoir aucune colère, aucune violence, mais la personne m'empêchera jamais de faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est l'esprit qui m'a mis là, tabarnak. Mm-hmm. Fait que c'est la responsabilité de l'esprit de me donner les ressources dans le moment présent, quand j'en ai besoin, pour protéger mes besoins, parce que c'est des besoins de l'esprit. Mais le monde ne comprend pas, ils n'ont pas de conscience de ces lois-là, parce qu'ils sont tous mêlés entre leurs besoins, leurs désirs, les pulsions, les ci, les ça. Fait qu'ils réagissent, puis ils perdent le contrôle, puis ils sont pas capables de se centrer. Puis ça, c'est sûr que c'est dommage, mais c'est ça qu'il fallait s'attendre avec la fin de la cinquième race. Qu'est-ce qui reste quand tu as tout désordonné le monde? Il reste juste le monde qui sont drettes. Tu penses-tu que ça va être des pro-vaccins qui vont sortir dans la rue avec des guns? Ils ont peur de leur propre ombre. Écoute, ils ont peur de tout. Oui, ils sont fiers de tout ça. Ils pensent qu'ils sont full patch parce qu'ils ont double vaccin et des vaccins. Pfizer a payé, je pense, 2,3 trillions de dollars en dommages pour des poursuites. Tout le monde, ils font aveuglément confiance à cette compagnie-là. À un moment donné, il faut se réveiller. Là. Ah, ben le gouvernement dit que c'est sécuritaire. Le gouvernement, il dit ce qu'il veut. Ben c'est ça, c'est parce que moi, ce qui m'a fait rire, c'était au printemps avec AstraZeneca. Christian Dubé, quand il commençait à avoir des thromboses en Europe, il dit non, AstraZeneca, c'est sécuritaire. Puis après ça, tu as vu des pays de l'Europe qui ont arrêté d'administrer le vaccin d'AstraZeneca à cause de ça. N'importe quelle personne qui a une mémoire un petit peu plus longue qu'un poisson rouge est capable de voir qu'il y a de l'incohérence dans les consignes. Donc, s'il y a de l'incohérence dans les consignes, il y a de l'incohérence dans l'information. Puis il y a une raison pour ça. La raison, c'est très intelligent ce qu'ils font. C'est MK Ultra. C'est de l'hypnose de masse de façon extrêmement précise. Très, très, très, très. C'est la meilleure idée. Le virus, c'est la meilleure idée. Parce que le virus, c'est invisible. Fait que tu peux faire à croire n'importe quoi. Tu peux utiliser n'importe quelle chose dans l'environnement pour empêcher la personne de se mouvoir. Parce qu'un virus, c'est invisible. Puis les gens, ils connaissent rien en biologie, ils connaissent rien en immunologie, ils connaissent rien au corps humain. Ils savent même pas pointer c'est où tel organe dans eux. Fait que c'est facile à manipuler du monde de même. Mais moi, j'ai jamais été manipulé par cette crise-là parce que pour moi, un virus, c'est jamais dangereux. Parce que si la vie décide qu'elle t'élimine, elle t'élimine. T'sais, tu peux pas penser que tu peux t'empêcher de mourir. Ça, c'est pas sous tes jougs à l'ego, ça, là. Oui, exactement. Puis être malade non plus. Quand t'es malade, c'est intelligent que tu sois malade. D'ailleurs, la maladie, comme Bernard disait, c'est pas de la maladie. La maladie, c'est vibratoire. Puis quand il faut que tu sois malade, t'es malade, puis t'es malade à un bon moment, puis là, tu vas te faire à croire n'importe quoi que tu pognes ça. Parce que le monde, ils sont complètement hypnotisés par le plan matériel. Ils pensent que tout est matériel. Ça fonctionne pas de même. Ça, c'est le mental réflectif qui fonctionne de même. Mais une fois que tu décolles de ça, tu réalises que la vie, c'est juste une vibration d'amour en mouvement. C'est de l'intelligence, c'est de la créativité, c'est utile, tout est utile. Puis nous, on se bloque, puis on se protège, puis on capote, puis on pense qu'on va être malade, puis on met 3 masques en conduisant. C'est de la maladie mentale, puis quand je dis de la maladie mentale, je dis plus une déconnexion avec sa source. Mm-hmm. Parce que la source, elle tolérerait jamais des stupidités comme ça. T'sais, moi, si tu essaies de mettre dans ma tête Faut que tu te fasses vacciner parce que faut que tu ailles au restaurant. Non. L'esprit, il n'a même pas besoin de se battre. C'est non, puis il n'y a rien, aucun argument. Il n'y a aucun argument. Tu peux pas avoir d'argument pour ça. Tu sais, à un moment donné, user d'une certaine quantité comme il disait en yoga, là, apprendre à se contenir. Moi non T'arrêtes plus, d'y moi aller au non restaurant. Tu plus. manges la merde des C'est restaurants, ça, toi. moi non plus, là, si on me force à avoir le passeport pour aller au restaurant, j'irai pas, là, moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'on peut nous atteindre à différents niveaux. Tu sais, quelqu'un qui donne beaucoup d'importance au travail, ben ça pourrait être une directive, la CNESST au Québec, qui régit les rapports au travail, qu'on pourrait congédier, si je mets ça au pire. Les Ils gens n'ont qui pas les sont. effectifs. Ben, au niveau de la santé, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, parce que Au d'un niveau de la côté. santé, là, ils peuvent tenir leur bout tant qu'ils veulent parce qu'ils ont besoin d'eux autres. Fait que c'est juste de la manipulation, puis c'est pour jouer dans la tête du monde. Ben, c'est ce que j'ai l'impression, parce que si congédie les gens qui sont pas vaccinés, puis il y a beaucoup d'infirmiers, puis de préposés aux bénéficiaires, puis Ah, puis je vais te il dire une manque déjà chose de aussi par rapport personnel, à ça, là. oui? Si, parce que les non-vaccinés dans le système de santé, c'est selon moi, les gens que je considère les plus intelligents parce que c'est eux qui usent un esprit scientifique en attendant plus d'informations. Ils sont pas nécessairement contre catégoriquement. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont en attente de plus d'informations parce qu'ils sentent pas l'utilité. Puis ces gens-là, là, moi j'en connais des infirmières, puis je vais te dire une chose, c'est que l'histoire des hôpitaux puis l'histoire des médias, c'est très différent. Fait que s'ils crissent à la porte tout ce monde-là, qui était supposément des anges gardiens, puis merci donc, puis vous avez 17 mois, ça fait travailler avec des malades, puis là tout d'un coup, vous êtes dangereux. Mais vous n'étiez pas dangereux avant, quand le virus était vraiment dangereux. Là, il est plus dangereux, le virus, il est juste contagieux. Mais là, il est dangereux, là. Faut que vous sortiez de l'hôpital, faut que ça soit obligatoire. Non. 87 ou 88% des gens en santé sont vaccinés. Câlissez leur patience. Tu sais, puis eux, là, s'ils sortent puis se font foutre à la porte puis perdent leur job, tu penses-tu qu'ils vont pas aller parler? Ils vont aller parler puis ils vont avoir des choses à dire qu'ils vont pas faire l'affaire de grand monde. Puis ce que je veux te dire, c'est que des gens de même, là, qui ont un diplôme, qui sont en santé, qui sont fâchés, là, ça fait bouger les choses en crise. Fait qu'ils sont pognés. Soit tu fais ça, t'as l'air d'un gros jambon, tu fous à porte tout ton personnel de santé qui t'a sauvé la vie pendant toute l'année, qui ont travaillé tellement fort, qui ont fait du temps supplémentaire, qui ont sacrifié leur santé, leur vie, puis tu les traites comme des tas de merde, tu leur... c'est pas un congédiement qu'ils ont besoin, eux autres, c'est un bonus de 40 000 chaque. Chaque. 40 000, puis idéalement payé en bitcoin. OK? Avec la crypto, de l'argent qui se dévalue pas. Pas de la devise fiat qui vaut rien. Tu payes son monde. Mais non, c'est pas ça qu'ils veulent faire, ils veulent les foutre à la porte. Fait que plus ils font ça, plus le gouvernement est dans la merde. Parce qu'à un moment donné, là, il va y avoir une masse critique de monde qui vont être écœurés, puis ils vont juste arrêter totalement d'obéir. Ils vont pas nécessairement aller dans les rues, ils vont juste arrêter d'obéir, tout simplement. Ça va être fini. Ben c'est ça. Ben de toute façon, s'il manque de personnel, il va y avoir des bris de service dans les hôpitaux, les urgences dans les prochains mois. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que le gouvernement va avoir l'air encore plus fou, là, tu sais. Raison de plus de prendre sa santé en main. Oui, puis quelle crise ou non de COVID, ben c'est quelque chose de fondamental. Puis avant la crise, on parlait déjà ensemble de l'importance de ça dans nos capsules audio. Puis, soit dit en passant, là, dans une pandémie, il faut parler de décès, il ne faut pas parler de cas. Surtout pas des cas avec des tests PCR à 45 cycles. OK? Puis, des décès, là, il n'y en a pas. Ben c'est ça, ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a pas au Québec. Puis là, le 5 août dernier, François Legault dit on est entré dans une quatrième vague. On a passé peut-être de 100 cas à 300 Sont cas par brûlés, jour. sont brûlés d'autres. C'est sérieux, là, s'il n'y en a pas pour longtemps, là, parce que, à un moment donné, c'est plus une question de manipuler le monde. Le monde sont tannés. Puis quand ils sont tannés, là, puis le corps est tanné, puis l'esprit est tanné, là, ça arrête tout seul. C'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tu peux pas pousser une personne à croire à outrance des stupidités pareilles. C'est vraiment le plus gros cancer qu'on a dans notre société, c'est vraiment les médias. Les médias, c'est vraiment réellement de la pollution, parce que s'il n'y avait pas d'informations qui circuleraient sur le net, ou mettons qu'il n'y aurait pas d'Internet présentement, là, tu saurais même pas que tu es en pandémie. Exactement, il y a pas personne. Ben, c'est très rare les gens qui vont mourir. Il y a pas personne qui meurt dans les rues, en tout cas, tu sais, c'est Moi, j'ai pas. jamais vu des ambulances passer, là, plus que d'habitude. J'ai jamais vu des ambulances circuler vite, régulièrement, aller chercher du monde qui sont en arrêt respiratoire dans leurs appartements. Jamais vu ça. Je suis pas allé dans des CHSLD, mais apparemment, ils sont tous morts, la plupart là-dedans. Puis, à ce que je sache, un CHSLD, tu t'en vas pas là pour faire des vacances. Mais non, mais autrefois, ça s'appelait des mouroirs, puis c'était pas pour rien. Les gens, c'était leur dernière demeure avant qu'ils meurent. Donc, puis... Puis le problème, essentiellement, si les gens ont encore peur de mourir, ben là, c'est un problème de la psychologie de la mort. Si t'as pas une bonne psychologie par rapport à la mort, ben c'est sûr que c'est dur de concevoir que ça peut être correct de mourir. Comme si c'était une insulte à l'humain de mourir. C'est terrible. Je comprends que c'est pas facile pour l'ego de vivre la mort d'un proche, de vivre sa propre mort, mais c'est pas quelque chose qui est évitable. C'est une loi universelle d'un corps physique, ça meurt. À un moment donné, il va falloir se réconcilier avec ça. Il va falloir savoir, bon, il est mort. OK. C'était-tu valable de mourir de ça? On a-tu été négligent par rapport à cette mort-là? Si oui, ben on se corrige. Puis sinon, ben on peut s'arrêter de vivre la culpabilité. T'sais, à un moment donné, il faut regarder les choses et avoir des réponses. T'sais, moi, si quelqu'un décède, j'ai eu des décès récemment dans mon environnement. Quand les gens décèdent, je le vois. Ah, c'est le temps. Et oui, c'est triste. Ah, je ne verrai plus cette personne-là. Je ne pourrai plus parler avec. C'est une personne que j'appréciais. Mais j'en fais pas une maladie. Parce que je comprends c'est quoi la mort aussi. T'sais. L'ayant vécu de proche avec l'accident que j'ai eu, pour moi, ma relation avec la mort est très différente que quelqu'un qui en aurait peur, par exemple. Fait que je respecte les gens qui ont peur de la mort, mais à un moment donné, il ne faut pas empêcher. T'sais, on parle de droits humains, puis t'as pas le droit, puis t'as le droit, puis t'as pas le droit, puis d'obligation. À un moment donné, là, tu vis sur une planète dans un système solaire qui est bien petit en relation avec sa galaxie. Puis la galaxie est bien petite en relation avec les autres galaxies. Puis un morceau de chair qui pense, là, c'est assez un phénomène cosmique, merci. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a aucune autre forme de vie sur Terre qui pense. Fait que, à un moment donné, il faut se mettre en perspective. Puis les médias sont là pour nous enlever de la perspective. Puis tant qu'aussi longtemps qu'on continue à écouter les médias, ben on malheureusement, on réduit notre source d'information, puis on n'est pas capable de contester quoi que ce soit, fait qu'on devient vraiment, comment je dirais, on est pris. On est comme pris dans un fonctionnement, puis on est esclave de notre peur, puis esclave de notre croyance. Ben c'est ça, parce que les autres, les médias, ils nourrissent la peur puis les croyances. Puis là, c'est le variant britannique. Là, c'est le variant Delta. Puis là, c'est le variant Gamma. Puis si, puis c'est ça. Il y a tout le C'est temps un gros des... power trip. Ben c'est ça, il y a C'est une des... espèce de power trip, mais c'est pas la réalité. Puis c'est autant pas la réalité que dès que tu ouvres la porte, puis que, mettons, tu as un ticket, puis tu contestes le ticket, tu vois bien que c'est pas la réalité. Parce que tu réalises que finalement, un décret de loi, ça n'aura jamais ascendance sur une charte. Surtout pas pour une maladie que tu as 99,7% de chances de survivre. Tu sais, à un moment donné, les avocats, les médecins, les gens, ils savent que les gens sont morts dans des CHSLD, là. Moi, j'en ai jamais vu de vieux en 18 mois. Ça va être bien dur. Ça va être bien dur d'agir là-dessus. C'est facile pour TVA de faire des articles de nouvelles sensationnels qui ont beaucoup de reach. Surtout parce que les plateformes de médias sociaux alimentent puis funnel beaucoup de visibilité à ces compagnies-là puis les réduisent à d'autres. Fait que ça donne une illusion de grandeur qui n'est pas réelle. Non, C'est pas parce que exactement. eux, ils sont tout le temps là, puis tu les vois partout, que c'est la seule source d'information. C'est juste que il y a un gros amalgame de compagnies technologiques avec des compagnies médiatiques qui travaillent ensemble pour favoriser un narratif qui est utile pour eux autres. Parce qu'eux autres bénéficient de ça financièrement. Juste les médias, là, la crise du coronavirus, ça doit être de loin la chose qui leur ont fait faire le plus de cash après la guerre. Mettons, les États-Unis, CNN, la dernière fois qu'ils avaient fait autant d'argent que ça. Puis ce qui a mis CNN sur la map, c'est vraiment la guerre en Afghanistan puis la guerre en Irak. Si on pourrait en parler d'ailleurs, hey, ça c'est une catastrophe. Oui, ben qu'est-ce qui se passe présentement en Afghanistan avec le retrait des troupes américaines? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais la regarder juste bien simple, puis je ne parlerai pas des détails de ça parce que c'est pas pertinent, mais si tu regardes ça, moi je me rappelle, j'étais chez nous, quand j'ai vu la deuxième avion frapper la tour à New York, live dans TV. Je me rappellerai toujours de mon père qui était pilote avec 35 ans d'expérience. Il y a de quoi qui marche pas avec ça. Lui, il se posait des grosses questions parce qu'il se disait, hey, c'est quoi? Il a capoté. Pendant 2 secondes, il a capoté quand il a vu l'explosion. Puis après ça, il a fait, hein? Il dit, t'as peu, toi, là. Faire voler des avions de même à cette altitude-là, à la vitesse qu'il allait à New York, sans qu'il y ait aucun. d'avion de chasse dans les airs. Pourquoi il n'y a pas d'avion de chasse? Il n'arrêtait pas de dire pourquoi il n'y a pas d'avion de chasse qui Ben font oui, pas le tour. pourquoi il n'y avait pas d'avion de chasse pour les intercepter alors que ça faisait un bout de temps qu'ils déviaient là, Mais ça, le 11 on ne le septembre? savait pas, ça. Fait qu'on, OK. il parlait pas de ça. Ouais, allez. Il faisait juste parler des avions de chasse. C'est pas normal, ça. NORAD aurait dû envoyer des avions de chasse. Bref. Là, avec le temps, mettons, il y a eu des documentaires. Après ça, il y a eu des conspirations, des dites conspirations sur le 11 septembre. Puis éventuellement, les choses se sont. Il y a eu des rapports d'ingénieurs indépendants. Ils ont trouvé toutes sortes d'affaires. Finalement, ça contestait beaucoup avec l'histoire officielle, le 9-11 Commission Report. Puis là, il y a eu une guerre qui s'est. Qui a suivi par rapport à ça. Il y a eu une guerre en Afghanistan, puis après ça, à partir de 2003, ou 2002-2003, il y a eu une guerre en Irak qui a commencé après. Puis ça l'a coûté. Je vais juste parler. La guerre en Afghanistan, apparemment, ça serait 2 trillion dollars. Fait que je pense que c'est 2 000 milliards. 2 000 milliards de dollars pour qu'en 10 jours, quand ils quittent complètement, ça repart à zéro. Ça, pour moi, c'est un gaspillage d'argent qui est phénoménal. Puis ça, c'est sans compter tout l'armement. Tous les véhicules, les hélicoptères, les avions, les Humvees, les vestes pare-balles, les night vision, les radios, les rations, Les tout le stock. avions, André Pitt a fait un reportage là-dessus, il disait qu'il y avait pour 85 milliards d'armements militaires que présentement les forces américaines vont laisser aux talibans qui prennent le contrôle. Exactement. Fait que là, moi, ça, je comprends pas. Pourquoi que les Américains feraient un cadeau après s'être battus à cet endroit-là pendant près de 20 ans pour C'est pas un tenter? cadeau. C'est pas un cadeau. OK. C'est que, en général, puis ça fait longtemps que c'est le même, quand il y a une invasion militaire américaine dans un pays, quand il se retire, il laisse tout l'armement là parce que ça coûte plus cher de le rapporter. Non, mais il aurait pu le détruire. Tu sais, si t'as Je le des. sais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, il y a une raison aussi pourquoi ils l'ont pas détruite. C'est que si tu détruis l'armement, ben, t'arrêtes de faire générer du terrorisme. Puis ben, quand tu génères du terrorisme quelque part en fournissant de l'armement, ben, ça permet d'avoir une raison d'envoyer des troupes là-bas puis de faire engraisser le complexe militario-industriel qui, eux, lobbyent à travers des anciens généraux puis des colonels puis des ci puis des ça puis qui sont tout le temps là « Yes, I think we gotta stay in Afghanistan and Iraq to provide security for Americans. » Un speech qui sert à rien, là, qui va nulle part, qui veut rien dire. Mais ça permet de continuer d'engraisser les poches de ce complexe-là. Puis tous ces généraux-là, puis ces politiciens-là, ben, ils ont du stock dans ces compagnies-là. Fait qu'eux autres, ils bénéficient indirectement de la montée des actions à cause de ça. Fait que tout le monde est gagnant, sauf nous autres. Nous autres, on perd des fils, des pères de famille, des mères de famille, des sœurs, des frères, des enfants. On perd des milliards de dollars. On perd 2 000 milliards de dollars, mettons qu'on parle des Américains, pour aider les populations. Qui manque des homelessness. Au lieu d'investir cet argent-là dans la population, ben on l'investit pour engraisser des milliardaires. Fait que, puis nous autres, on croit à ça, ces guerres-là. T'sais, moi, je disais au monde, c'est de la bullshit, ces guerres-là. Je disais ça même à des militaires, je me rappelle en 2006-2007, je disais, c'est de la grosse bullshit. Vous êtes là pour absolument rien. Puis là, ils étaient tout offusqués. Ben là, regarde, là, tu l'as la preuve. C'est du bullshit. Puis la guerre, ça a toujours été du bullshit parce que le seul but d'une guerre, c'est de faire du cash. Ça a toujours été ça, la Ah, ben Deuxième moi, je Guerre dirais mondiale, qu'il ça a été y a ça. plusieurs enjeux derrière les guerres. Tu as des enjeux occultes, c'est-à-dire que les gens continuent de vibrer à la peur, puis continuent à vivre de la crainte, puis sous la menace. Oui, ça, c'est un aspect très, très petit. Mais essentiellement, le but d'une guerre, c'est de générer, c'est d'un peu manifester du pouvoir aussi. Parce que quand tu regardes l'humain, quand il vit dans ses sens inférieurs, il vit de survie. De sexualité puis de pouvoir. Fait qu'essentiellement, eux autres qui sont la tête de la chaîne alimentaire au niveau financier, ben, eux autres, c'est des power trips, là. C'est des ego trips. Ils consomment pour eux autres. Si on regarde des gars comme Jeff Bezos, là, qui envoie une fusée en forme de pénis dans l'espace pour absolument rien, puis ça coûte des millions de dollars, là, voire des milliards. Tu sais, c'est de l'argent qu'il pourrait redonner à ses employés à Amazon, ça, puis de leur donner les meilleures conditions de travail, puis de leur donner une qualité de vie qui fait en sorte que les gens ont le goût de travailler là. Puis à la place de ça, puis ça, c'est bon pour l'économie, parce que quand tu as des familles qui dépensent, ben, ils achètent des affaires, ça fait monter les prix, les compagnies font de l'argent. Mais eux autres, ils gardent tout pour eux. C'est comme s'ils ils empêchaient cette énergie-là de circuler. Mais éventuellement, il va y avoir un bout à ça. Je ne sais pas dans combien de temps, mais ça ne pourra pas rester de même indéfiniment, parce que les gens, à un moment donné, sont tannés. Les gens, ils vont se rendre de plus en plus indépendants de ça. Ils vont générer des travails qui vont être plus cohérents pour leur sensibilité et leurs besoins. C'est ça. Mais quand j'ai regardé le retrait des troupes américaines là, par rapport à l'Afghanistan, j'ai dit c'est quoi qui est derrière ça? Parce que tu sais, pendant à peu près 20 ans, ils sont là. En théorie, ils sont supposés de redresser le peuple, former l'armée afghane pour faire face aux talibans. Puis après 20 ans, ils n'ont pas été capables. Fait que je me suis dit, c'est quoi? C'est une gang d'incompétents? C'est pas que c'est une gang d'incompétents, c'est que il faut comprendre quelque chose par rapport aux talibans, c'est que les talibans, ils ont leur façon de vivre, OK? Puis d'abord, c'est pas nos crises d'affaires comment qu'ils vivent, puis je comprends qu'ils traitent pas nécessairement les femmes comme ils devraient être traités selon moi, mais ça c'est moi là, basé sur une Ah, ben, culture, puis basé sur une je suis d'accord avec toi, là. conscience. Tu sais, quand on parle que les talibans empêchaient les filles d'aller à l'école, il y avait des mariages forcés, puis il y avait des viols. Oui, puis garde, je ne soutiens pas ça, mais c'est pas mon pays non plus. C'est pas de mes affaires, moi, qu'est-ce qui se passe là, dans le sens que si je m'en vais en Arabie Saoudite, je vais convenir à comment leur façon de vivre, parce que je suis pas chez nous, OK? Puis ils ont des façons de faire là-bas dont les femmes sont violées, pas violées, excusez-moi, Voilé. voilées. Puis les gars, ben, ils doivent avoir des règles par rapport à l'alcool, puis tout. Moi, j'irais, tu sais, j'aime ça boire une bière, mais quand j'irais en Arabie Saoudite, ben, je m'abstiendrais de boire. Puis je porterais peut-être un costume qui est plus respectueux pour leur culture, puis je mangerais leur nourriture, puis j'essaierais d'apprendre quelque chose d'eux autres. Mais nous autres, on fait pas ça. Nous autres, on essaie d'imposer. Puis quand tu amènes une armée quelque part pour imposer une soi-disant démocratie dans un pays qui t'a rien demandé, tu sais, t'as rien demandé. Les talibans t'ont rien demandé. Écoute, les Britanniques ont été là, les Russes ont été là, puis ils ont perdu des vies puis de l'argent. Fait qu'à un moment donné, là, il va falloir comprendre que les talibans sont pas mal sharp. Ils connaissent leur terrain, leur montagne. Ils savent comment se battre. Puis, eux autres, ils ont Dieu en arrière d'eux. Nous, là, on a des croyances de Dieu, mais eux autres, là, ils sont tellement dans une conscience très, très, très, très, très fermée que leur croyance est tellement forte qu'elle leur génère presque de l'énergie. Fait qu'eux autres, là, c'est pour Allah, là. T'sais, fait que tu penses-tu qu'il y a un Américain qui va pouvoir rester là, ils vont se battre jusqu'à leur mort, puis il va y avoir des générations après génération après génération, ça s'arrêterait pas. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un peu du fait que là, tu vois bien que ça va aller nulle part, mais il y a un conflit aussi avec le fait que, bon, si tu t'en vas de là, tu perds la face. Mais tu vas-tu rester là un autre 10 ans puis perdre encore des milliards de dollars ou on peut arrêter? T'sais, à un moment donné, c'est comme faut que tu arraches le plaster. Non, non, Puis c'est ça, parce que ça. Oui, je te laisse parler, oui. Biden, il a l'air d'être complètement sénile. Je sais pas c'est quoi le but derrière ça, mais tu sais, je Ah, regarde son ben, speech, le dernier oui. speech, on dirait qu'il dormait en avant du Oui, micro. ben, il y en a qui l'appellent Sleepy Biden, là, mais depuis plusieurs semaines, en fait, depuis son élection, je suis en contact avec des gens qui disent que c'est une tactique politique pour mettre au pouvoir Kamala Harris comme première femme présidente des États-Unis, puis sciemment, dans le fond, ils ont choisi Biden parce que, dans le fond, il y a des problèmes de santé importants, puis il fera pas long feu, puis c'est pour que, à quelque part, il soit destitué pendant son mandat, puis c'est elle qui prenne la relève, puis elle, probablement qu'elle n'aurait pas pu rentrer avec la voie électorale, là. Ah, ben écoute, ça se pourrait, j'avais déjà entendu ça auparavant. Mais malgré, même si elle rentre, ça ne changera rien parce que c'est pas les présidents qui décident quoi que ce soit. Ils fonctionnent selon une équipe de communication, une équipe de gestion. C'est pas eux qui prennent des décisions seuls. Il y a plein de monde qui leur dit quoi faire. Tu sais, Biden, si tu lui donnais pas un papier ou un téléprompteur, il saurait même pas où ce qui est, là. T'sais, fait que c'est clairement pas lui qui prend des décisions parce que d'après moi, il doit se faire traîner d'une place à l'autre. Je pense même pas qu'il est capable de conduire un véhicule. Fait que si Kamala Harris, elle arrive là, ben, elle va avoir l'air d'avoir plus d'énergie puis peut-être plus d'ambition. Mais les gens sont juste tannés parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est bien vivre. Puis là, ils ont tellement eu de la misère depuis 18 mois là, avec la pandémie, là, autant à cause du virus qu'à cause des mesures liées au virus. Ils sont à bout. Ils s'en foutent, là. Ils sont plus capables. Biden, ils s'en calissent. Ils veulent juste leur crise de chèque, de stimulus, puis ils ne le reçoivent pas. Quand Biden a dit, dès que je vais rentrer en présidence, je vais vous envoyer tout de suite 2 000 $ par famille. Ils n'ont jamais reçu cet argent-là. Il a tenu aucune promesse. Fait que les gens sont tannés, là. Ils commencent à dire, bon, là, on va-tu pouvoir avoir la paix à un moment donné? Fait que les médias sont en train de mourir. Ils perdent tellement de crédibilité à chaque jour, chaque article que je vois de la presse, de Radio-Can, de TVA, c'est médiocre. Oui, Puis, ben, c'est de la tu propagande. sais, ils sous-estiment, mais oui, mais ils sous-estiment l'intelligence de la population. T'sais, la population, il y en a des gens qui sont pas éduqués, mais la plupart du monde ont un certain gouvernail. Il y a de la bullshit à outrance. Puis quand t'en envoies de toutes les directions, puis tout ce que tu fais, c'est blâmer la population pour quelque chose que le gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que le gouvernement n'a pas construit un nouvel hôpital, n'a pas engagé plus de monde. Il y a moins de monde au prorata qu'au début de la pandémie. Ils n'ont pas des meilleures conditions de travail, ils n'ont pas des meilleurs salaires, ils font encore du temps supplémentaire. Puis là, ils sont à veille des congédiés. Tu sais, à un moment donné, what the fuck? Tu sais, le what the fuck, c'est plus tu vas perdre le contrôle. Parce qu'à un moment donné, le monde va juste faire fuck you. Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'à mesure que le gouvernement met des mesures sanitaires de plus ou qu'il cherche tout le temps le contrôle, ben, à un moment donné, il va avoir un point de rupture entre lui puis la population. Ben oui, je vois un article l'autre jour qui dit Premier ministre Legault sous-entend que ça serait légitime de congédier un employé non vacciné. OK. Oui. Ça, c'est la TV qui dit ça. Oui. Moi, je connais des entrepreneurs, puis j'en connais pas qui peuvent se permettre de mettre du monde à la porte. Je connais pas personne en ce moment qui peut se permettre de mettre du monde à la porte. Je vois dans plein de places dans la région, puis les gens manquent de staff. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certains types d'emplois, mettons, c'est un fonctionnaire fédéral. Normalement, c'est très difficile de congédier quelqu'un parce qu'il est syndiqué. Oui, mais eux autres, ils servent à rien. Ben, le point que j'allais en venir, il faut faire attention dans le jugement, là, mais c'est que, dans le fond, Oui, mais c'est ça. dans le sens qu'ils font beaucoup. Il y a beaucoup de la job qui pourrait être faite avec moins de ressources, c'est ce que je veux dire. Pas qu'ils servent tout à rien, mais il y a beaucoup de gens qui sont payés pour être payés. Non, je comprends. Il y a des dédoublements, là, puis des tâches, etc. Mais le point, c'est que ça peut être le prétexte pour congédier des gens que la personne voulait déjà congédier. Puis là, ça y prenait une raison pour le faire, pour que ça soit, dans le fond, jugé comme étant acceptable, là, tu sais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, moi, je pense que ça peut servir à différents niveaux. Mais quand que François Legault a sorti que, dans le fond, un employeur pouvait congédier un non-vacciné, tout de suite, il y a des gens des syndicats là, qui ont monté aux barricades en disant non, le premier ministre, il tient pas compte là, des lois, tu peux pas congédier quelqu'un comme ça, etc. Mais c'est ça, je te dis, c'est de la façade de publicité. C'est comme quand tu achètes quelque chose puis tu te fais à croire que cette nouvelle affaire-là va nettoyer tout ce que tu as comme vêtements, puis là, finalement, tu mets dans la laveuse, puis ça nettoie pas tant que ça nettoie pas plus qu'une autre affaire. Mais c'est la même chose. Il dit ça, puis d'abord, le monde a des mémoires de poisson rouge, fait que probablement qu'il s'en rappelle déjà plus de cet article de publicité-là, dans les médias. Puis, comme je te dis, en général, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se permettre de perdre du staff. Puis c'est déjà dur d'en trouver. Puis en plus, le former, c'est beaucoup de travail. Je le sais, j'ai eu à vivre ça. Le monde, moi, les gens dans mon entreprise, ils sont pas intéressés à mettre du monde dehors. Bien, surtout dans un contexte avec la PCRE où ce que tu as des problèmes gouvernementaux là, comme Justin Trudeau qui font en sorte que, dans le fond, les gens, avant de travailler, s'ils gagnent un certain montant par mois, là, c'était un petit peu moins que 2 000 $, mais quand c'était 2 000 $ par mois, tu as le choix de gagner 2 000 $ ou de te lever le matin pour aller au travail. Bien, il y en a plusieurs qui choisissaient de pas travailler, ce qui créait une pénurie de main-d'œuvre. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'à cause du premier confinement qui a été forcé pour presque tous les commerces, sauf là, les services vraiment essentiels, les gens ont goûté à pas travailler. Puis il y a des gens qui ont réalisé aussi que leur job, c'était de la grosse marde. Puis il y a des gens qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas bien payés, puis qu'il y a des gens qui ont décidé de se réorienter. Puis il y a des gens qui préfèrent justement exploiter le système parce que tant qu'à aller travailler pour une compagnie qui va t'exploiter, qui va te traiter comme du bétail, puis qui va pas te donner des conditions de travail qui sont plaisantes, ben si le gouvernement t'offre gratuitement de rester chez vous puis de payer, ben c'est une décision intelligente selon moi. Puis c'est aux entrepreneurs puis aux compagnies de changer puis de stimuler l'embauche, de donner des bonus. Puis ils peuvent se le permettre. La plupart peuvent se le permettre. Je comprends qu'il y a des gens qui manquent d'argent, il y a des compagnies qui perdent d'argent, puis ça c'est pas facile. Mais il y a beaucoup de business qui pourraient se permettre de payer un peu plus leurs employés, de leur donner des meilleures conditions de vie, mais ils le font pas. Puis là, ils se plaignent que c'est la PCU. Fait qu'à un moment donné, il faut faire l'avocat du diable avec ça. Moi, j'ai pas eu de problème à cause du monde de la PCU pour une job le fun. J'ai eu beaucoup de demandes, tu sais, fait que Ça se pourrait-tu que peut-être ta job de flipper des burgers chez McDo, puis de pas avoir d'avantages sociaux, puis de faire n'importe quelle heure, puis de faire changer ton horaire à tout bout de champ, ça te tente plus? C'est correct. Puis le gouvernement, il donne l'argent. Tu penses-tu que tu vas pas le prendre? Chris, il l'imprime. Prends-le, là. T'sais, tant qu'à en perdre de l'argent, là, à cause que ton dollar, il dévalue, prends l'argent gratis, puis exploite le système. Comme il y a plein de business qui ont exploité le système. Mais c'est à eux de checker leurs affaires, puis de faire attention. Mais le gouvernement est négligent. Fait que les gens l'exploitent, c'est normal. Puis de toute façon, les gens, ils n'ont pas de respect pour eux autres. Fait que ils s'en foutent-tu que le gouvernement perde 2 000 $, ils vont le prendre avec plaisir. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, là. C'est sûr que là, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va résulter de tout ça, parce que ça fait quand même au-dessus là, de 18 mois là, que le gouvernement, si on pense au gouvernement fédéral, s'endette à coups de milliards, là, et le déficit nous plonge, en tout cas, il met de l'argent disponible là, sur un paquet de programmes depuis plusieurs mois. Puis là, on C'est va. voulu. C'est Ben. voulu. C'est là que j'allais en venir, là. C'est que derrière ça, il y en a qui vont dire, bon, c'est pour la mise en place du Grand Reset, on cherche à faire sombrer le Canada puis les différents États-nations dans un endettement record pour rendre acceptable une refonte du système économique par la suite. Ça va être plus graduel que ça, là. Ça va être très subtil. OK. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la crypto va toujours exister. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir de l'information qui va circuler dans un fil, la crypto va exister. Fait que même si on s'en va vers une devise, exemple, comme la Chine ont une devise électronique qui appartient à leur pays, même s'il y aurait, mettons, une banque centrale qui partirait une devise électronique, puis qu'il y aurait l'abolition de l'argent en papier, puis qu'il y aurait une réforme de l'économie, ben les cryptos vont toujours exister. Fait que tout ce qui va être le noir, l'échange de biens, le gouvernement va essayer de contrôler ça, mais il sera jamais capable de foutre le monde en l'air parce que les gens se réveillent de plus en plus, puis ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. Fait que les gens, ils protègent leur argent, puis la meilleure façon de protéger ton argent, c'est d'en acheter des valeurs. De la propriété, des choses qui grandissent en valeur avec le temps, d'investir son argent peut-être dans les métaux précieux, la crypto, des marchés financiers qui seraient honnêtes, du moins s'il y en a, mais de protéger son argent. Mais tu sais, si tu sais pas quoi faire, c'est sûr que les gens vont se faire tirer le tapis en dessous des pieds s'ils font pas attention. Parce que là, ils reçoivent de l'argent, ils sont tout contents. Mais quand que le prix des choses vont monter parce qu'il y a une forte demande, ben, il va falloir que tu ailles backer ton cash parce que sinon ton cash, il vaudra rien pantoute. Ouais, ben c'est ça, parce que là, il y a eu de l'inflation en fait depuis les derniers mois. Il y a eu une augmentation, parce qu'habituellement c'est 2% l'augmentation de l'inflation, puis là on est au-dessus de 3%. Mais c'est sûr que ce qui risque d'arriver dans les prochaines années, si le gouvernement met de plus en plus de l'argent dans le système économique, ben à un moment donné, on risque de se trouver dans une situation avec Il n'y a une pas le choix. inflation Il n'y a pas le choix. galopante. C'est la seule façon pour la société de se tenir debout. T'arrêtes l'argent, t'arrêtes de faire prêter de l'argent, c'est fini. Tout saute. Tu peux pas. C'est un système capitaliste, là, c'est basé, c'est construit sur l'augmentation de la masse salariale. C'est la seule raison pourquoi ça fonctionne. Si tu arrêtes de mettre de l'argent, t'arrêtes de prêter de l'argent, l'économie s'écroule totalement. Les gens à Wall Street, présentement, là, ils empruntent à 0% pour leverager des shorts puis des positions, pendant que la population, elle, paye de l'intérêt sur tout ce qu'elle emprunte. Eux autres, ils dépensent l'argent, ils augmentent la masse salariale en empruntant de plus en plus d'argent, puis ils gamblent avec ça sur Wall Street, pendant que nous autres, on travaille de notre vie, là, de notre temps, de notre énergie pour cet argent-là. Eux autres, ils l'empruntent à 0% pour jouer avec et faire du profit. Fait que, tu sais, c'est pas la PCU là, qui fait perdre, qui fait monter le prix du bois, là. C'est des criminels comme ça avec des cravates qui empruntent de l'argent, qui la jouent. Puis quand ils la perdent, c'est toi qui payes. Puis quand eux, ils gagnent, ils la gardent pour eux autres, ça. Puis ça, c'est une réalité, c'est pas une conspiration, ça. Non, non, mais N'importe on. quelle personne qui Ouais. s'éduque un peu sur la finance va bien voir comment ça marche. Ben, c'est-à-dire qu'on a eu la crise de 2008 aux États-Unis en lien avec l'immobilier, puis dans le fond, les produits financiers toxiques là, liés aux prêts immobiliers. qui a fait en sorte que, dans le fond, quand c'est des profits, c'est privatisé, puis on rend public les dettes, puis il y a eu le renflouement massivement des dettes. Là, des... Juste la construction de l'idée des valeurs mobilières, de rassembler des hypothèques ensemble, puis de vendre ça comme une valeur sûre, c'est criminel. Parce que, à un moment donné, là, puis ça, je dis pas que c'est criminel selon la loi présentement. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que c'est criminel en termes des lois d'énergie. Parce que là, tu commences à t'approprier des affaires de d'autres personnes, puis de faire de l'argent avec des affaires de d'autres personnes. Je comprends que pour faire fructifier une économie, pour faire grandir une économie, il faut qu'il y ait de l'argent qui circule. Mais à un moment donné, là, il faut que tu possèdes qu'est-ce que tu as de besoin. Tu as une maison, tu en as deux, parfait. Mais comment ça, avoir du stock dans la maison? Puis eux autres, ils font de l'argent avec ça. À chaque fois qu'ils vendent ça, ils font un pourcentage. Puis c'est malhonnête. Parce que c'est un produit financier qui est malhonnête à la base. Bon, hey, regarde, tu vas voir, là, ça, là, c'est solide. C'est plein de monde qui paye leurs impôts, mais c'est pas à toi. C'est pas tes impôts, c'est pas ton hypothèque, c'est pas toi qui paye l'hypothèque. Puis toi, tu fais de l'argent avec une, parce que tu penses qu'eux autres vont payer leur hypothèque. Puis là, ça, c'était le début de ça. Mais quand ça c'était devenu des paris sur des parce que tu avais, dans le fond, des valeurs mobilières, mettons, triple A, triple B, double B, puis des valeurs, tu sais, vraiment pas bonnes. Ou du moins, quand on parle de valeurs pas bonnes, c'est que tout ce qui était rapport à la qualité des prêts ou à qui empruntait l'argent, ben ça jouait sur les ratings de chaque valeur mobilière. Puis là, à travers ça, eux, ils faisaient des collateral debt obligations, où ils prenaient plein de valeurs mobilières qui ne se vendaient pas, ils les mettaient ensemble, puis ils faisaient un produit qui cotait avec les ratings, AIG, puis toutes les compagnies qui donnaient l'assurance sur les valeurs mobilières, puis qui cotaient. Ils disaient, ah, ça, c'est super bon, c'est triple A. Puis là, ils vendaient ça le même prix que du triple A de vraiment des gens qui ont des hypothèques, qui payent avec des taux d'intérêt fixes. Là, c'était des estis de taux d'intérêt qui pouvaient changer comme ils voulaient. Aucune vérification de crédit, des affaires vraiment là, instables, dangereuses, qui votaient ça comme si c'était super bon. Puis là, à un moment donné, les banques ont bien réalisé, quand les gens ont commencé à shorter ces affaires-là, que c'était de la grosse marde. Fait qu'eux autres, ils essayaient de les vendre à du monde en même temps qu'ils shortaient. Tu sais, si ça, c'est pas criminel, je sais pas qu'est-ce qui est criminel. Puis le gouvernement approuvait de ça. La SEC approuvait de ça. Ouais. Tout le monde approuvait de ça, comme si c'était légal. Hey, c'est atroce. Cette crise économique-là, là, ça a causé des morts, ça a causé des gens qui sont tombés dans la drogue, ça l'a détruit pour absolument rien. Non. Absolument rien. Exactement. Puis, ils ont mis ça, oh, ben, t'avais juste à pas emprunter pour une hypothèque. Hey, va donc chier, calice. J'avais pas à pas emprunter pour une hypothèque. Ça devrait être un droit inné d'avoir droit à un logis convenable pour chaque être humain sur Terre. Puis nous autres, on est là pour te faire croire que tu n'avais pas besoin de ça pendant qu'on gamble avec ton argent. Hey, man, c'était innocent, là, le leverage de short qu'il y avait là-dessus. Là. Ils shortaient autant qu'ils vendaient. Ah ouais, non, c'était fou la spéculation boursière qui était faite sur la dette de gens qui prenaient des hypothèques. Là. Il y a des films là, en lien avec ça là, sur Netflix, là. En tout cas, c'est... Ah oui, c'est, il y en a plein. Puis ça. Après ça, le pire là-dedans, c'est que quand ils ont fait le 700 milliards pour les banques, ils disaient que c'était pour sauver l'économie. Hey, est bonne celle-là. Sauver l'économie. C'est qui a eu 700 milliards? Ça a été envoyé à une banque centrale qui a racheté puis qui a fusionné plein de banques ensemble pour créer une super bank. C'est ça qu'ils ont fait avec 700 milliards de dollars pendant que le monde n'avait plus de maison aussi. T'avais des quartiers complètement désertés avec du monde qui fume du crack. Pendant ce temps-là, c'était des anciennes familles qui avaient des jobs, qui vivaient là. Puis le monde, il tolère ça. Puis on est rendu en 2021, on s'en va droit dans le mur encore avec des taux d'intérêt qui vont monter éventuellement. Puis les gens achètent des maisons à 25-30% au-dessus du prix d'évaluation. Ça, là, c'est pour une seule chose pourquoi que les gens consomment comme ils consomment en ce moment. C'est parce que c'est tellement inconfortable à l'intérieur d'eux autres qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de pallier à ça. Fait qu'ils changent leur environnement et déménagent. Il y a plusieurs raisons. Si on prend, par exemple, les gens à Montréal qui étaient dans les petits appartements lorsqu'il y a eu des confinements, la personne qui a la peur, qui a l'anxiété d'anticipation qu'il y en ait un autre confinement à l'automne ou à l'hiver, bien, elle a dit, bon, ça revient, mais là, je vais investir sur une plus grande demeure. Comme ça, je vais être confiné chez moi, mais je vais avoir plus d'espace pour me déplacer. Ben exactement. C'est ça que je veux dire. C'est la crise qui a généré ça. Puis c'est beaucoup du fait que tu réalises que t'es pas bien, fait que là tu changes des affaires. Mais oui, il y a des fois t'es un peu mieux parce que t'as changé quelque chose, Mais ça met le monde en mouvement, ça fait que le monde, ils sortent de la stagnation, ils sortent des grandes villes, ils déménagent, ils s'en vont des places, puis tout. Puis ils dépensent de l'argent, mais ils dépensent pas de l'argent quand c'est le temps de le dépenser. Parce que là, tu achètes des choses, ça coûte cher, puis là, ça va perdre de la valeur. Ben Parce que exactement. c'est pas supposé coûter ce prix-là. Non, c'est ça. On se dirige peut-être vers une bulle immobilière qui, à un moment donné, va éclater lorsque le taux d'intérêt va augmenter. Puis ça, c'est une bonne question à savoir si le taux va augmenter ou non. Puis je sais pas où est-ce que ça s'en va sérieusement financièrement, là. Moi, je voyais ça, bon, une vue plus claire sur le futur à partir de 2025. Mais je sais pas, je pense-tu que ça peut durer ce mouvement inflationnaire-là, financier, jusqu'en 2025? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Même Bernard de Montréal qui faisait des prophéties, ça ne s'est pas toujours avéré. Mais ce que je peux te dire, c'est que présentement, comme si on pense à Trudeau, jusqu'au mois d'octobre, la PCRE va continuer. Puis la façon que je vois ça, parce qu'elle est renouvelée depuis plusieurs mois, c'est que peut-être que ça va devenir le revenu minimum garanti. Et puis, pour ce qui est des programmes, on verra une fois là, les élections passées là, au 20 septembre. Mais le point, c'est que la tendance présentement, de ce que je comprends, c'est qu'ils tolèrent qu'il y ait de l'inflation. Parce que, dans le fond, s'ils augmenteraient tout de suite les taux d'intérêt, ben là, ça pourrait nuire à l'entreprise qui cherche à sortir ou améliorer sa situation liée à la crise. Fait que là, dans le fond, les banques centrales n'ont pas intérêt à augmenter le taux d'intérêt, mais s'ils ne le font pas, l'inflation augmente. Fait que c'est un petit peu une situation où s'ils bougent ou qu'ils ne bougent pas, il va y avoir de la souffrance ou avoir des problèmes. Fait que ils sont C'est dans. que si arrête de donner de l'argent, là, Oui. le monde, ils vont se fâcher. C'est ça la réalité. Mais on risque d'avoir une révolte sociale ou un peu comme ce qui s'est produit en Afrique. En fait, j'écoutais. Hey, c'est débile ce qui se passe là en ce moment. En Hey, tout cas. c'est comme apocalyptique, là, les villes. En tout cas, ce que j'écoutais, c'était Amelega François, là, c'est un manifestant québécois. Puis lui, de ce que je comprenais, ce qu'il disait, c'est que, parce que lui, il provient du Cameroun, c'est que dans le fond, pourquoi que les gens n'ont pas embarqué dans les confinements en Afrique, c'est que la personne qui se présentait pas au travail n'avait pas de l'argent de l'État. Fait que soit que tu travailles, puis tu as de l'argent, ou tu travailles pas, puis tu n'en as pas. Fait que c'est pour ça que l'histoire des confinements n'a pas marché, tandis que nous autres, ils ont acheté la paix ici, parce qu'on dit, tu vas rester chez toi, puis on va te donner un chèque. C'est ça. C'est ça la. Mais ça serait très valable. Parce que, tu sais, dans le spectrum de la réalité des choses, quand tu compares les fortunes de certaines personnes avec 2 000 $, 2 000 $, là, tu donnerais ça à n'importe qui, là, même des gens qui travaillent pas, là, ça serait juste bon pour eux. Parce que quand les gens sont safe financièrement, puis ont un backup, puis qu'ils ont toujours quelque chose sur quoi se baser, ils se relaxent. Ils se relaxent, ils ont moins de stress. Ils peuvent plus avoir le temps de réfléchir, de penser. Oui, il y en a qui vont se pogner le bec, qui vont jouer et ils vont gamer. Mais c'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, ils aimeraient ça, avoir un peu de sécurité, là. Tu sais, puis la sécurité, dans le plan matériel, ça vient avec l'argent. C'est plate à dire, là, mais ça vient avec ça. Tu sais, si tu as 1 000 000 dans ton compte, tu es un peu plus calme que quelqu'un qui a zéro. Ça, c'est sûr. Parce que ça coûte cher. Il faut que tu ailles à l'épicerie, il faut que tu te déplaces. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient achetées. Mais là, on serre la gorge au monde, là, puis on leur fait à croire que là, 2 000 $, c'est honteux de recevoir ça. C'est pas honteux, mais il faut qu'il y ait des programmes pour stimuler l'emploi. Il faut que les gens aient le goût de travailler, aient le goût de contribuer. Puis en ce moment, les gens n'ont pas le goût parce qu'ils n'aiment pas où est-ce que la société s'en va. Fait que c'est un peu, moi, une forme de rébellion, j'ai l'impression. Tu sais, moi, la seule raison pourquoi je travaille, c'est parce que j'aime ma job, là. Jamais je vais travailler dans un esti job que t'es juste un autre numéro, qu'il faut qu'il fasse une tâche répétitive. C'est immonde. C'est des machines qui devraient faire ça, puis d'utiliser les ressources humaines pour des choses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus grandioses que juste assembler Mais c'est en train de une se faire en souffleuse. passant, puis le prétexte de la pandémie, où ce qu'on évoque la menace qu'une personne en contamine un autre est utilisée, entre autres, pour amener le remplacement d'emplois avec des tâches répétitives. Si on regarde, par exemple, dans les commerces, que ce soit Walmart ou d'autres commerces, où les caissières sont remplacées de plus en plus avec des machines où ce que la personne scanne elle-même les produits qu'elle va payer. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis il y a des gens qui aiment ça, puis il y a des gens qui disent que c'est inhumain de ne pas parler avec quelqu'un pendant qu'ils sont à la caisse. Moi, personnellement, j'adore ça, les caisses automatiques, parce que j'ai la crise de paix. J'aime ça emballer mes affaires comme du monde. J'aime ça prendre mon temps. J'aime ça regarder chaque affaire, puis être sûr que je n'ai de besoin. Fait que, tu sais, chacun son affaire, Mais moi, personnellement, si un humain ne veut pas faire de la caisse parce qu'il trouve ça plate, il ne devrait pas avoir à faire ça. Surtout pas quand ça marche très bien, ces systèmes-là. C'est rapide, c'est efficace. Puis tu sais, tu mets deux, trois employés qui surveillent pour le vol ou ben qui aident qui assistent le fonctionnement des caisses. Pendant ce temps-là, tu préfères faire d'autres choses à ces gens-là. Tu sais, genre, je sais pas moi, je dis une connerie, là, ça n'a pas rapport, là. Mais tu fais un jardin sur le toit de ton commerce, puis tu vends des légumes. C'est Ben, n'importe quoi, là. c'est sûr, Tu les sais, gens peuvent faire des je tâches parle plus pour parler. stimulantes, là, Oh. mais ce que je veux dire, c'est que là, la crise de la pandémie du coronavirus, c'est comme un prétexte pour l'accélération de l'informatisation du travail, de la robotisation, ces choses-là. C'est comme un élément catalyseur. Ben oui, puis tu sais, moi, mettons, là, je trouve ça vraiment hot, Amazon. Autant que je trouve ça dommage qu'il y ait des mauvaises conditions de travail pour les employés là-bas, puis qu'il y ait un milliardaire qui s'engraisse de plus en plus, leur système est bon. Moi, je pense que, tu sais, mettons qu'on est au Québec, puis que tu vois que tout le commerce s'en va en ligne, ben, fais-toi une grosse base de données en ligne de commerce québécois-canadien. Let's go, bouge-toi le cul, tu sais. Faut s'adapter, là. Faut arrêter de blâmer les grandes compagnies. Amazon, il va voler l'argent des commerces. Mettez votre commerce en ligne, puis faites de la publicité. Sauf ton staff. T'as plus besoin d'ouvrir ton commerce. T'as juste besoin de deux staffs. Réinvestis cet argent-là dans quelque chose qui va te servir. Tu comprends, tu sais? Moi, je comprends pas c'est quoi le rapport de constamment être en résistance avec tout, là. Faut s'adapter. La vie, ça change. On s'en va vers l'ère technologique, là. On s'en va vers le mélange avec l'homme puis la machine. Faut pas résister ça. C'est inévitable. Mais, oui, mais ça dépend, là. C'est parce que là, comme parle Klaus Schwab du Forum économique mondial, lui, il parle carrément de la fusion de l'homme avec la machine, c'est-à-dire que tu es, mettons, une puce sous-cutanée, là. Oui, mais ça peut pas marcher essentiellement, ça. Ça peut marcher temporairement. Mais d'aller vers la machinerie puis vers la technologie de ce type-là, c'est essentiellement aller vers la vibration, aller vers la lumière, l'énergie de la lumière. Dans le fond, on se rapproche de ça. Mais à travers le processus, ben, on passe par toutes sortes d'expériences ratées, là. Tu sais, tu penses pas que les Atlantes, ils n'ont pas échappé des affaires, là? Ben oui, mais ils ont connu une fin de civilisation, mais le point, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dérives importantes qui peuvent être faites en lien avec la technologie. Puis si on regarde qu'est-ce qui se passe en Chine avec leur système de crédit social, où est-ce que tout le monde est épié 24 heures sur 24, puis eux autres, en passant, ils l'utilisaient le code QR, là, bien avant que ça s'implante en France ou bientôt au Québec. C'était déjà dans cette mentalité-là de tout le temps surveiller où ce que sont les gens, qu'est-ce qu'ils Mais font. les gens là-bas, la plupart, je dis pas tout le monde parce qu'ils sont beaucoup, là, mais Oui. la plupart des gens là-bas, ils aiment ça. OK. Ils sont bien là-dedans. Ils ont l'air bien là-dedans. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Eux autres, ils aiment ça, les téléphones, les patentes à gosse, faire un bip-bip, regarder ta face, puis là, ça te dit, OK, tu peux rentrer. Ils trippent là-dessus, eux autres. Fait que moi, je trippe pas là-dessus. Moi Puis non plus. le Québécois moyen, il trippe pas là-dessus non plus. Fait que ça va être dur de créer une culture de ça, là, de faire à croire que les gens vont aimer ça long terme. Parce qu'on n'a pas le même niveau de conscience que les Chinois, dans le sens qu'on n'est pas pareil culturellement parlant. Non, Fait que ça va être. Je exactement. penserais pas que ça soit facile d'aller dans une dérive de crédit social. Écoute-moi un crédit social. Écoute, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ils peuvent bien passer ça puis pitcher ça dans les médias, là. Mais des médias jusqu'à ce que les gens travaillent avec ça, là, il y a une grosse, grosse, grosse, grosse résistance. C'est. Il n'y a pas grand monde. Écoute, l'application, là, je comprends qu'on n'est pas le 1er septembre encore, mais on est quand même le 29. Oui. L'application COVID, à ce que je sache, là, elle a été downloadée là, peut-être quoi, 600 000 fois sur 5 800 000 personnes vaccinées. Pas beaucoup, là. Là, le monde dit, ah oui, il est long en papier. Oh, écoute, 85 à 80, 80 à 85 % du monde, je pense, au Québec, ont un téléphone. Je sais pas, là. Moi, j'ai l'impression que ça va être bien dur. Écoute, j'ai même pas, même moi dans l'entreprise que je travaille, on sait même pas comment ça marche. Puis Il n'y a je pas mets. personne qui nous a rien montré. Ben, c'est ça, j'imagine un peu comme pour Samuel On n'a même pas de Grenier. téléphone pour ça, on n'a rien. Non, mais c'est ça, mais Samuel Grenier, qui est entrepreneur, dans le fond, lui, il a fait une vidéo là, sur Facebook, puis il expliquait Ouais. que lui, il est propriétaire d'un restaurant. Puis il a appelé au gouvernement provincial, il dit, écoutez, moi, j'ai pas reçu là, de lettre là, par rapport à l'implantation, il n'y a pas personne qui m'a appelé par rapport à ça. Fait que là, il a parlé avec, dans le fond, un fonctionnaire, puis il expliquait que, ben là, on en a parlé dans les médias. Fait que là, tu sais, c'est comme pas sérieux. Normalement, c'est quelque chose qui s'implante dans l'entreprise, comme par exemple, une mesure quand même importante. Normalement, il devrait recevoir une lettre ou un avis, tu sais. Ouais, ben, quand on a eu toutes les mesures auparavant, la CSST envoyait des listes de comment procéder pour appliquer telle mesure ou quelle mesure était nécessaire dans quel commerce. Oui. Puis là, c'est silence radio total. Il y a tout ce que, la seule information qu'on a reçue, là, c'est dans les médias. Ben, c'est ça qui est bizarroïde, parce que tu sais, c'est tellement gros comme projet, là. Tu sais, on parle d'implanter un C'est passeport. énorme. Ben, Oui. c'est ça. Où ce que chacune personne est scannée, tu sais, c'est un petit peu comme il y a eu, bon, admettons l'implantation, que les gens fallait qu'ils payent des taxes là, à chaque fois, là, provinciales, fédérales, qu'ils achètent un produit. Tu sais, c'est une mesure qui est quand même lourde, mais là, moi, comment dire, je trouve ça bizarroïde ce qui se passe présentement Puis en lien juste avec le ça. fait que c'est même pas encore appliqué, que déjà il y a des brèches importantes au niveau de la sécurité, puis qu'il y a des élus qui ont été piratés leur code QR, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Ben Puis oui. là, tu as Éric Kerr qui dit, avant que ça arrive, on a fait toutes des expériences rigoureuses pour vérifier la sécurité, puis tu sais, il est là, puis tu vois que c'est comme un ordinateur qui parle. Puis là, tu as des gars, genre, qui sont bons avec l'informatique, qui réussissent à trafiquer ça, puis à en produire à volonté des codes QR comme ils veulent. Tu sais, c'est genre, hey. Mais le Québec, c'est ça qui est drôle avec le Québec, c'est que le Québec, le gouvernement du Québec, pas les gens au Québec, parce que les gens au Québec sont très, très bons dans plein d'affaires, là, mais le gouvernement québécois est tellement incompétent, il n'est même pas capable de faire quoi que ce soit comme du monde. Fait que pourquoi que ça serait efficace? Ben, Puis c'est si c'est pas ça. efficace, puis il y a des brèches importantes en sécurité, écoute, ça va être tellement facile de contester ça en cour, ça va prendre une minute. D'après moi, ils vont même pas aller te faire asseoir. Ils feront même pas déplacer des avocats parce que ça leur coûterait trop cher. Tu sais, les avocats qui sont payés 600 pièces à l'heure, tu penses qu'ils vont aller là? T'es-tu malade? Hey! Ils ont Ben, d'autres choses à faire de leur vie, là. Ils ont c'est des ça. cas plus importants, des business qui sont en cours, plein d'affaires qui se passent. Les avocats, là, sont pas là. Hein? On va aller attaquer quelqu'un qui n'a pas eu son code QR à cause d'un système informatique mal fait, qu'on sait même pas comment ça marche, il n'y a même pas de liste de procédures nulle part, là. Bonne chance! Bonne chance! Mais moi, ce que je trouve préoccupant là-dedans, c'est que le gouvernement, avec Éric Kerr, justement, moi aussi, j'ai vu ça dans les médias, il dit avant l'implantation, ah, tout est sécuritaire, on a fait les vérifications, puis, en quelques heures à peine, il y avait un technicien d'informatique, il dit, puis il a témoigné sur le site de Radio-Canada, ça y a pris 6 heures pour créer le code. Wow. Fait que là, tu sais, puis c'est même pas encore entré en fonction. Fait que là, autrement dit, il nous a dit que c'était en sécurité, puis c'était pas le cas. Fait que moi, j'ai pas confiance en eux pour ça. Et pourquoi je devrais avoir plus confiance sur la sécurité des vaccins qu'on nous dit depuis plusieurs mois que le gouvernement, ah, c'est sécuritaire, tu sais? Tu serais vacciné, tu devrais être même doublement vacciné présentement parce que tu es à risque, là. Tu devrais être révolté par ça parce que t'es double, imagine, David, tu es double vacciné. On t'a promis que tu allais revenir à la normale, double vacciné. Fait que là, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais là, tu n'as pas été chanceux. Calis, tu as pris l'AstraZeneca, le Pfizer. Fait que là, il n'est pas reconnu. Fait que là, tu t'es fait triple vacciné. Ben oui, Puis là, parce que non seulement, là, tu as ça la prend une deuxième autre dose, mais tu dose pour, as. Ouais, là, mettons, les fans de croisière ou dans disposé. d'autres Ouais. pays. Excuse-moi, vas-y. C'est ça, c'est parce que dans le fond, là, ce qu'il faut clarifier, c'est qu'à l'étape ce qu'on est, c'est que ça prend 2 doses de la même compagnie. Mettons, si quelqu'un veut aller faire une croisière ou aller dans d'autres pays ou être reconnu, par exemple, par les États-Unis qui ne reconnaissent pas l'AstraZeneca. Okay. Fait que là, t'es triple dose. Oui. Là, toi, tu te dis, hey, tabarnak, moi, je suis béton. Puis en plus, j'ai mon code QR, si c'est la liberté. Puis là, on t'annonce que tes enfants, ils vont aller à l'école cette année avec des masques, puis qu'ils pourront pas jouer à des sports parce qu'ils n'ont pas de vaccin. Mais là, toi, tu voulais pas faire vacciner tes enfants parce qu'ils étaient pas à risque, parce que t'es une personne qui a du jugement, même si t'es triplement vacciné. Fait que là, tu te dis, ouais, t'as peu, là. Là, mes enfants s'en vont à l'école, il y a 8 ans, il faut qu'ils mettent un masque toute la journée, mais moi, je vais au restaurant, je peux enlever mon masque quand je m'assois avec mes amis. Puis moi, je suis une catégorie plus à risque qu'eux autres, je comprends pas. Mais là, on est vaccinés. C'est quoi le problème? Ah, oh, là, c'est parce que la quatrième vague, OK. Puis là, après ça, bon, là, on t'annonce qu'il y a un code QR pour rentrer dans ton restaurant préféré. Puis toi, tu vas toujours chez Normandin, là. Puis là, il va falloir que tu ailles chez Normandin avec un masque encore. Te laver les mains, attendre les 2 mètres, te mettre les pieds dans une pastille comme un animal qui attend d'aller à l'abattoir. Puis là, faut que tu ailles encore toutes les mêmes affaires. Tu es triplement vacciné. Puis en plus de ça, tu as la police qui rentre dans le commerce qui vient te harceler avec sa veste pare-balles et ses guns. Moi, personnellement, je serais triple vacciné, puis je serais en justice déjà, je serais en cours. Oui, puis en plus, la personne à l'entrée, il faut qu'elle prenne ton nom, ton numéro de téléphone au cas où qu'il y a un cas d'éclosion, même si tu montes le passeport sanitaire. T'es triple dose, il va falloir que tu t'isoles, même si tu testes négatif, c'est pour la COVID. 14 jours, plus de job. Hey, écoute, des pro-vax, il n'y en a pas d'après moi, parce que ça, même vacciné, t'as aucun droit supplémentaire à part aller dans un commerce. Puis même ça, c'est immonde. T'sais, t'allais déjà dans le commerce, t'étais triple vacciné avec plein d'autres personnes parce que toi, tu crois qu'un vaccin, ça te protège, fait que tu te sens en sécurité. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, là, tu peux plus. Là, tu vois plus personne parce que là, tu vas aller au restaurant, là, tous tes amis, ils peuvent plus y aller, fait que toi, tu veux plus au restaurant. T'sais, c'est... Moi, personnellement, je pense que c'est la seule mesure qui va sauter là, assez vite là, parce que... De un, c'est pas sécuritaire au niveau de la sécurité. Là. Moi, je l'avais déjà dit, je l'avais dit à business, j'ai dit, moi, je suis pas à l'aise avec ça, voler des données médicales. Tu penses pas que ça irait. Si on a un avocat qui vient ici, là, mettons, qui est moindrement brillant, qui a double dose, là, mm-hmm. je sais pas s'il va triper là-dessus, lui. Ben, c'est-à-dire que. Je dis, moi, ça serait dangereux pour des poursuites. Non, mais le commerçant en tant que tel, il vote pas de données médicales. Il fait juste, dans le fond, scanner le passeport ou il vérifie les informations sur le passeport papier. Mais apparemment, de ce que j'ai vu d'un spécialiste en informatique, c'est que les données qui sont scannées avec le téléphone intelligent sont pas emmagasinées dans l'appareil, en théorie. En théorie? Oui. Mais on sait très bien, toi comme moi, qu'un pirate informatique avec une application, la personne peut sauvegarder des données, voire même cloner le passeport de d'autres personnes. Hey, c'est... Écoute, l'ingéniosité humaine, elle a pas de limite. Les gens vont trouver des workarounds. Écoute, à chaque fois que quelqu'un essaie de faire un système de sécurité et quelqu'un qui réussit à la hacker, c'est un peu comme les performances olympiques. À chaque année, il y a toujours un petit peu plus de performances parce que tout évolue. Fait que tu peux jamais arrêter quelque chose. Tu sais, comme le passeport, on va arrêter les gens de... Non. T'arrêteras rien pantoute. Puis là, en ce moment, il y a plus de mesures que de dangers d'un virus. Parce que ben, les gens ça. Sont réellement à 85% en double dose. Fait que c'est quoi le petit problème? Puis là, ils veulent ça 95. Puis là, ils poussent encore. Puis après ça, ça va être quoi? Ça va être 105%. C'est quoi ça veut dire 105%, M. Legault? Bien, ça, dans le fond, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 5% qui est triplement vacciné. Puis là, tant qu'on n'atteindra pas 200% de triple vaccination, on ne pourra pas aller à la liberté. Puis là, ça va être la 18e vague. Oui, mais on s'en lise. Ça peut pas, parce qu'à un moment donné, le monde va tellement être écœuré, ils vont juste faire ma TV. Oui, mais on se dirige dans le même entonnoir que connaît Israël. Tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais Israël, présentement, eux autres sont en phase de vaccination 3e dose. Ah oui, ils sont fous comme des balais. Oui, oui, puis ils ont le passeport sanitaire. Puis, dans le fond, depuis le mois de juillet, le nombre de cas augmente par jour. Si vous ne pourriez pas aller voir les statistiques sur, dans le fond, Google. Là. Et ce qui est particulier avec Israël, c'est comme... Ils sont une des populations les plus vaccinées dans le monde, là, double dose. Puis ça marche pas pour réduire la contamination. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Mais c'est normal, les vaccins, ça génère des variants. Non, mais tu sais, il faut comprendre ça aussi. C'est pas que le vaccin génère des variants, c'est machiavélique. Non. Un vaccin, ça génère des variants parce que l'adaptation du corps au virus qui existe dans la personne, elle va sortir, puis elle va s'en aller quelque part, puis elle va rencontrer un autre virus, puis elle va se transformer. C'est ça, un virus, c'est en mutation. Mm. Puis les vaccins qui sont les plus efficaces, c'est pour les virus qui mutent pas. Exactement. Tu sais, dans le fond, un virus qui mute, un vaccin, ça va juste générer d'autres variations de ce virus-là. Puis à ce que je sache, présentement, il n'y a pas grand monde qui meurt, donc c'est des bonnes nouvelles. Oui. Malgré le fait que tous les médias véhicule ça comme étant dangereux. Chris, il n'y a pas de décès, tabarnak. Là. C'est quoi le problème? Fait que, tu sais, plus le monde voit ça, il n'y a pas de décès. À un moment donné, mon frère, il n'y a pas de décès, il y a des cas. Comme il n'y a pas d'hospitalisation comme avant. Ouais, mais il y a des cas. Ouais, mais des cas, là. C'est quoi des cas? Des cas de tests PCR? Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont asymptomatiques. Tu sais, les gens sont même pas conscients d'avoir quelque chose, là. Fait que. Tu sais, c'est. Ouais, puis ils testent tellement de monde. Genre 15 000, 11 000, 13 000 personnes par jour. Ah oui, il y a un test. Là, tout le monde dans le milieu de la santé, parce que je vois pas qui c'est qui se fait tester à 38 degrés Celsius avec un beau coucher de soleil. Là. Ben, des control freaks, des gens qui ont tellement peur que ah, je vais me faire tester au cas où, puis. Oui, mais c'est ça, c'est pas beaucoup, là. Sur 8 millions de personnes, c'est risible. C'est ça, mais le point que je vois de pernicieux derrière le passeport sanitaire, c'est que, dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent nous faire un abonnement là, annuel à la vaccination avec plusieurs doses. T'sais, là, il va y avoir sans doute la prédiction que je fais d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'automne, là, on va probablement faire la promotion de la troisième dose. Puis ensuite, il y aura la quatrième, la cinquième. Fait que ça va donner des revenus permanents à l'industrie pharmaceutique qui va alimenter tout ce système-là pour doser à répétition les gens là, pour qu'ils Ben conservent oui. un passeport sanitaire actif. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Puis plus ils vont doser le monde, plus ils vont générer des variants, plus ils vont générer des différents variants qu'ils vont pouvoir vendre à TV. C'est Puis après comme ça, la machine de justifier la la guerre en Afghanistan, vaccination. là, médiatique, là. C'est C'est pareil. ça, mais regarde comment c'est un cercle vicieux. C'est que plus qu'il va y avoir de la vaccination en période de transmission, plus que ça risque d'augmenter le nombre de variants parce que le virus circule, puis plus que par la suite, ça va prendre d'autres vaccins pour faire face aux nouveaux variants. Fait que là, c'est comme un puits sans fond, là. Ben oui, puis comme je te dis, là, ça va être encore la même affaire. Tu sais, rappelle-toi, l'année passée, on était chez Walmart, c'était ouvert, c'était la seule affaire d'ouvert au mois d'avril 2020, puis là, t'étais là, pas de masque, tu te promenais, fallait que tu fasses attention, le monde capotait, achetait du papier de toilette. Là, après ça, on est resté fermé mars, avril, mai, on a ouvert juin, nous autres. Puis là, le monde était fou comme il allait. Là, c'était fini la COVID. Là, il n'y avait pas de masque, tout le monde était partout, tout l'été. Juin, juillet 2020. Puis le 18 juillet 2020, ben là, il faut mettre un masque. Le masque, c'est la liberté. OK, là, le monde commence à mettre des masques. Puis le monde a peur. Puis là, ils se disent, Christ, il faut mettre des masques, ça doit être dangereux. Puis là, ils disent, bon, mais ben là, à cause du masque, on n'aura pas à reconfiner. Fait que là, ils reconfinent encore. Puis là, le vaccin arrive. Fait que là, on dit, ah, le vaccin, c'est la liberté. Fait que là, on dit, bon, il n'y aura plus de confinement. Là, ah, là, on se refait fermer en mars. Ah, pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas assez de monde vacciné. OK, c'est correct. Faut le faire pour les autres. OK. Là, on continue, on réouvre. Là, cet été, là, c'est la folie, là. Mais là, il faut que tu aies un masque encore, puis il faut faire attention, puis il n'y a plus rien, là. Mais il faut faire attention. Là, tout le monde est vacciné, là, on est là. OK, là, ça va bien aller, là. Là, ça va refermer. Là, on va faire. Ben là, ça prend la triple dose. Ben Ah, oui. OK. Fait C'est que comme la. là, ça va Oui. réouvrir l'année prochaine, puis là, il y aura pas de passeport. Là, il va y avoir le passeport vaccinal et toutes les astuces de conneries, puis là, il va y en avoir un autre d'affaires qui va s'en venir après. Puis là, plus ils vont faire ça, plus la masse critique de population va s'écœurer, puis à un moment donné, il va y avoir un revirement. Mais c'est la machine est enclenchée, puis eux autres, la machine n'est pas intelligente, fait qu'elle ne voit pas que le monde sont de plus en plus éveillés. Mais ils continuent de pousser des affaires idiotes parce qu'ils sous-estiment. Tu sais, l'astral, ça sous-estime toujours l'esprit. Hein? Ça pense que c'est intelligent de l'astral, mais c'est jamais intelligent. Ben oui, c'est parce que c'est orgueilleux. L'astral C'est va avoir ça. l'orgueil de penser qu'elle est plus intelligente que l'esprit, mais elle ne l'est pas parce qu'elle n'est pas capable de se redoubler créativement. Ben oui, parce que ça a un esprit unidimensionnel, l'astral. Ça ne voit ce que ça se concentre sur. Tandis que l'esprit, c'est global, c'est absolu. Fait qu'à un moment donné, les gens ont une vision de plus en plus globale. Tu sais, il y a des gens qu'à un moment donné, la mémoire, les liens se font dans leur tête, là. Parce que le gros lien, le plus majeur, c'est la double dose. Ça, là, c'est pour eux, la double dose, c'est l'ultime fin de pandémie. Ben oui, on leur a vendu ça depuis le mois de mai. Dans le fond, j'écoutais récemment André Pitt, s'il y a des gens qui s'intéressent au Odyssey, là, le studio, je trouve qu'il va bien rechercher les choses. Il reprenait l'extrait de François Legault qui disait au mois de mai dernier que lorsque les gens allaient être vaccinés double dose pour l'automne 2021, ça allait être la liberté, puis les gens pourraient enlever le masque pour l'automne. Ouais, mais c'est de croire n'importe quoi de ce que ces gens-là disent, c'est purement naïf. Ah ben moi, Faut juste ça fait longtemps. regarder la machine, C'est comment qu'elle ça. C'est fonctionne. ça. Moi, ça fait longtemps que je n'y crois plus, là, les gouvernants. D'ailleurs, dès le départ, là, tu sais, Arruda, tu portais pas le masque, vous allez vous contaminer, vous avez peut-être ça dans le visage. Ils ont été crédibles seulement pendant 2 semaines. Après ça, ils ont perdu toute leur crédibilité. Voilà. Ça a été 2 semaines de crédibilité parce que 2 semaines, je pense qu'ils savaient même pas ce qui se passait, fait qu'ils étaient honnêtes. Puis on le sentait qu'ils étaient honnêtes. Puis je me rappelle, je regardais les points de presse, puis le docteur Arruda était là. Non, non, non, tu sais, concentrez-vous, lavez-vous les mains, faites attention, là, faut pas virer fou avec ça. La peur, ça fait faire des crises d'affaires qui n'ont pas d'allure, faut se calmer les nerfs. Ça, c'est intelligent, ça. Ça aurait dû rester de même. Point final. Là, il y a un vaccin qui s'en vient, là, puis écoute, il n'est pas fini. Ceux qui sont vraiment, qui ont peur, prenez-le. Puis sinon, ceux qui Ben, sont attends pas une minute, sûrs attends une attendent. minute. Moi, je dirais pas aux gens de le prendre ou pas le prendre parce que là, il y a peut-être des effets secondaires que les médias nous parlent pas. Puis de toute façon, l'histoire de prendre ou pas prendre le vaccin, normalement, la personne qui devrait dire ça, c'est quelqu'un qui travaille comme médecin ou qui a les compétences professionnelles pour le faire parce que de recommander un traitement médical, c'est un acte qui est réservé. Bien sûr, exactement. Fait que ça, c'est un autre problème aussi avec l'obligation vaccinale, c'est que même si tu es ministre de la Santé, t'es pas un médecin. Ben, c'est ça, Dubé, c'est pas un médecin, fait que en recommandant un traitement médical, d'autant plus à la population, sans avoir des données personnelles pour individualiser le traitement, Puis il n'y a pas de données probantes que c'est vraiment bon, ce ben c'est vaccin-là, ça, ultimement, là. c'est ça. Il est encore en phase, ben, la plupart des compagnies, c'est en phase 3, là. Mais moi, un gars là, qui sort puis qui fait une entrevue à TVA avec un gilet du Canadien avec sa grosse bedaine puis sa face d'alcoolique finie, là, qui tient un hot dog dans ses mains puis qui dit « Venez vous faire vacciner, on va vous donner un hot dog », pour moi, ça devrait être une perte de crédibilité absolue. Puis malgré tout, ce gars-là, il peut encore donner des points de presse sérieux. Tu sais, ils ont empêché les gens de regarder la finale de la Coupe Stanley pendant qu'ils étaient tous paquetés les uns sur les autres dehors. Faut-tu être idiot. Ben oui, c'est ça, t'as Non, mais tu peut-être. sais, c'est au lieu de contrôler la sécurité du monde à l'intérieur, tu laisses une foule de monde se rassembler à l'extérieur pour empêcher un virus de se contracter. Puis en plus de ça, il n'y a pas d'éclosion qui sont liées à ça. Puis une couple de semaines plus tard, ben là, il y a une manifestation anti-mesures sanitaires. Puis là, oh, il y a eu des éclosions. Finalement, c'était pas vrai. Ouais. Là, il y a un autre médecin qui dit que, ah, ben on a été chanceux. Parce que lui, c'est un chaman de la médecine. Fait que lui, il utilise les esprits pour lui dire si la COVID va être là ou non. Oh, ouais, le docteur Marquis, il Ben mettait oui, comme hey, tu hypothèse, sais, tu sais, les ah, c'est balles, à cause les... des vents dominants. Puis il n'y a Ouais. pas personne qui l'a mis en boîte. Hey, moi, je t'aurais mis ça en boîte en une minute. Fini. Il aurait été game over s'il aurait perdu la face devant tout le monde en parle. Le monde fait oh, ouais, OK, les vents dominants. Un médecin qui dit des vents dominants, mais qui rit d'un traitement avec des plantes pour guérir une maladie. Tant qu'à moi, c'est les mêmes. C'est de la pseudo-science. De dire qu'on a été chanceux à cause des vents, c'est aussi crédible que de dire que tu vas guérir un cancer avec des plantes vertes. Ça, peut-être que oui, peut-être que non. Non, exactement. 50-50. Puis 50-50 en médecine, ça vole pas très haut. Habituellement, c'est des hauts pourcentages de résultats pour qu'un traitement soit ou une mesure soit assignée comme étant bonne. 50-50, c'est le hasard, soit dit en passant. Puis on est supposé pas croire à ça, le hasard. Fait que, à un moment donné, faut se brancher. Ben. Existe-tu le hasard ou il n'existe pas? S'il Exact. n'existe pas, ferme ta gueule. Puis s'il existe, ben bon, ben on n'a pas de contrôle, on n'a pas de libre arbitre, fait que on n'a pas de contrôle anyway avec un masque ou pas de masque. Tu sais, c'est absolu, ça, là. Il y a du hasard ou il n'y a pas du hasard. C'est pas un ou l'autre. C'est pas. Des fois, il y en a, là, puis des fois, il n'y en a pas. Ah, des fois, le Big Bang, c'est un hasard qui était bon pour nous autres parce que ça nous permet de construire une histoire. Puis des fois, ben, le hasard que tu peux te guérir en pensant, mais ben, ça, c'est pas un bon hasard, fait qu'on n'aime pas ça. Ah, puis la pensée, on pense que ça arrive par hasard, mais ça vient du cerveau, mais on n'est pas sûr, mais on pense que oui. Tu sais, c'est très nébuleux, hein, tu sais, c'est pas parce que tu es assis dans un bureau avec des grands diplômes que tu as le savoir absolu de comment ça marche l'univers, puis la conscience, puis le corps humain, hein. On Exact. devrait user d'un peu d'humilité, selon moi. On devrait prendre un peu de recul, puis regarder, puis d'observer comment la nature travaille, puis peut-être essayer de s'accorder avec au lieu d'essayer de se faire à croire qu'on est des petits coqs, puis qu'on va contrôler un virus. Hey, un virus tabarnak qui est microscopique, qui est en aérosol, puis on pense que parce qu'on est à 2 mètres, on le pogne pas. Il faut vraiment être idiot. Écoute, si un virus mortel décide d'anéantir l'humanité puis ça vient de la nature, là, il n'y en aura pas de masque qui va être assez fort pour protéger de ça, là. Ça va y aller, là, au toast, là. Ben, Comme Zombie Apocalypse. mais de toute façon, le masque de procédure qui est régulièrement utilisé, l'efficacité est à peu près de 40, 70 %. Ensuite, le masque artisanal, 40 %, puis le N95, 95 %, mais tu n'as pas de masque qui protège dans l'absolu, là. Fait Non, que. parce que y a pas absolu contrôle qu'un ego peut avoir sur la matière, point final. C'est ça. Tout ça, c'est toute la psychologie, ça. C'est des formes. Ah, 95 puis 60. Tu fais quoi du 30%? C'est quoi ce 30%? Si tu as 30% de chances que tu le pognes, ça sert à rien ta crise d'affaires. Parce que si c'est un virus dangereux, bien sûr. Exact. Fait que ça vaut rien. Faut trouver quelque chose d'autre. C'est ça, fait que, mais... Tu as vraiment un virus dangereux, le monde, ils vont pas aller prendre une bière au restaurant puis danser dans un bar. Ici, les bars sont bien pleins, là, le monde n'a pas de masque. Les bouncers passent à côté du monde et leur disent hey, mets donc ton masque juste en dessous de ton menton au cas où. Là. Hey, tu penses qu'il y aurait un virus mortel? Tu penses que ces gens-là seraient pas malades? Tu penses que les gens feraient ça? Le monde n'est pas cave. Mais les non. gens vont pas se mettre en danger volontairement, vont pas mettre des vies, la vie des autres volontairement en danger. Tu sais, c'est pas de la faute de quelqu'un que si quelqu'un devient malade, meurt. T'as pas de contrôle sur la vie. Nous autres, on pense qu'on en a. Puis il est là notre problème. Ben, c'est cette illusion-là de contrôle, puis ce désir de sécurité qu'on nous vend à travers les médias et le gouvernement qui amène la société à soumettre à un paquet de mesures, là, tu sais. Tu peux jamais, jamais, jamais travestir de la liberté pour de la sécurité. Malheureusement, c'est le pire deal que tu peux jamais faire parce que la sécurité, d'abord, le gouvernement, il n'en a rien à foutre de ta sécurité parce qu'on a des preuves. Tant qu'il va y avoir des gens qui vont être dans la misère financièrement puis dans la vie, ça veut dire que le gouvernement, il perd les priorités aux bons endroits. Puis de deux, il n'y a aucune personne qui peut contrôler quoi que ce soit parce que même ton corps, tu respires, tu contrôles pas ton cœur, tu contrôles pas ta respiration, tu contrôles pas tes pensées, tu contrôles absolument rien. Tu réagis à des phénomènes physiologiques, physiques, mentaux, psychiques. Tu réagis, oui. Mais c'est pas toi le moteur. Fait que de penser que tu peux faire quoi que ce soit, puis de dire que ça vient de toi, c'est quoi ça, toi? C'est une construction psychologique basée sur de la mémoire de ta naissance jusqu'au moment présent. Jusqu'à ce que je sache, il n'y a aucun, y a aucune valeur à ça, à aucun niveau, à part dans ta tête à toi. Fait que tout ça, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illusions, beaucoup de cinéma. Puis je pense que c'est pas étonnant pour une société qui a été élevée qu'une télévision d'agir comme des acteurs puis des actrices. Fait que pour moi, c'est rien qui m'étonne en ce moment. Je trouve ça disgracieux que les entreprises acceptent ces mesures-là puis disent on n'a pas le choix, il faut le faire, sinon on va être dans la merde. Tant qu'à moi, c'est un synonyme de manque de colonne vertébrale. Puis c'est pas étonnant parce que quand tu as été dans le confort pendant des années puis que tu fais toujours ce que ça te tente de faire, tu manges quand ça te tente, tu vas au fast-food, tu peux downloader 200 films, t'as pas le goût d'aller dehors puis d'être dans la misère puis d'aller manifester pendant une semaine puis pas trop manger parce que t'as des valeurs, des principes à faire valoir. Tu vas rester chez vous tant que son temps que ça fera pas assez mal. À un moment donné, ça va faire assez mal. À un moment donné. Le monde vont se lever des divans, puis ils vont se lever des divans, ils vont pas aller dans la rue tout saccager, j'espère pas en tout cas. Je pense que les gens vont juste arrêter d'abdiquer. Ben, il va y avoir des manifestations pacifiques, là, tu sais, sans qu'il y ait du saccage. D'ailleurs, il y a plusieurs manifestations pacifiques, là, depuis les dernières semaines, mais moi, j'ai l'impression que c'est au Ça, fil. la seule utilité que ça a, là, les manifestations pacifiques, là, c'est de rassembler des gens ensemble puis de faire un certain baume à leur âme. En termes collectifs, ça sert absolument à rien. Bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les élus, il faut qu'ils prennent en considération. Tu sais, s'ils voient que 100 000 personnes qui descendent dans la rue à Montréal vont dire, ben là, Non, ils font pas ça parce qu'ils l'ont pas fait depuis le début, puis les manifestations sont de plus en plus grandes. Même Justin Trudeau a dit dans un tweet plus tôt aujourd'hui, je ne reculerai devant rien. Là, il blâmait que les gens, ah, les gens, les manifestants, ils sont fâchés, je comprends pas qu'est-ce qui va pas bien dans leur vie. Ben, c'est ta gestion de marde qui les met en crise. Mais lui, il dit, moi, je recule pas. Fait que, ils s'en foutent là, de ce que tu fais, là. C'est à nous de dire, moi, c'est beau, je fonctionne plus avec vous autres. Tu sais, maintenant, je te donne un exemple. T'as une business, là. Puis là, tout d'un coup, là, tu te dis, OK, c'est beau, moi, tout l'argent que j'ai dans toutes mes assets, je les transfère dans Bitcoin. Puis là, maintenant, j'utilise juste Bitcoin pour, ben, ou peut-être quelque chose de meilleur que ça pour transiger financièrement, là. Genre ADA ou XRP ou quelque autre crypto qui peut être plus facilitante pour le transfert. Puis là, tu payes ton staff de même. Tu échanges de même avec d'autres business. Puis là, les business trouvent ça cool parce qu'eux autres, ils perdent pas de valeur de leur argent. Puis leur argent fait 25% de rendement par année. Puis plus il y a des business qui embarquent, plus le rendement est bon. Puis là, ben, le fiat currency que le gouvernement contrôle qui va te chercher dans tes impôts, ben, il y a de moins en moins capable d'aller chercher. Fait que là, tu crées une certaine forme d'indépendance. Oui, dans le mais en sens que tu même temps, le n'appartiens plus à ce gouvernement, de système-là. ce que je comprenais, est en train de trouver de façon de mettre des lois là, pour imposer les bitcoins puis avoir un contrôle dessus, là. Il pourra pas. Parce que c'est libre. C'est Ben, on verra bien. Ils ont réussi à mettre en place une taxe Netflix, c'est-à-dire les services Internet qui sont en dehors du Canada, là, ils les taxent, là. Puis, Oui, mais les compagnies, tu peux les faire forcer à collaborer ou ils vont juste crisser ton camp puis ils vont arrêter de servir ton pays si c'est trop compliqué. C'est ça qu'ils font déjà. Spotify a fait ça. Avant, tu pouvais acheter Spotify. Maintenant, au Québec, tu peux pas parce que ça respecte pas la langue française puis toutes sortes de conneries de même. Fait qu'eux autres, ils ont pas de temps à perdre, ils s'en vont. Ils te laissent utiliser, mais tu vas avoir des publicités québécoises dessus puis ça va être ça. Mais moi, je parle des entreprises, là, des entreprises locales, de travailler de plus en plus avec une certaine forme de parallèle. Ça va être bon parce qu'à un moment donné, oui, le gouvernement peut te forcer à déclarer tes gains en crypto puis d'être imposé dessus, mais il ne peut pas contrôler la crypto. C'est ça que je veux dire. Oui, il peut te forcer à faire quelque chose, mais en même temps, là, encore une fois, tu penses-tu que le monde à Revenu Québec sont assez ferrés si, mettons, 8, je parle, c'est hypothétique ce que je dis, mais imagine 5 millions, 8 millions de Québécois qui utilisent juste la crypto sont foutus. Tu sais, sont foutus parce que. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent pas aller dans ton compte de crypto. Ils n'ont pas accès à ça. C'est caché, c'est C'est bloqué. crypté. Exactement. Ils n'ont aucune capacité. Écoute, moi, là, mon ledger, là, c'est impossible pour quelqu'un de trafiquer ça. Tu as des codes, il faut que tu le mettes dans l'ordi. Il y a une autre authentification. Tu as des trucs que tu as écrits en papier caché quelque part qu'il faut que tu linkes avec tout ça pour ouvrir et avoir accès. C'est bien plus compliqué que un compte en banque Desjardins. D'ailleurs, Desjardins, ils se font toujours pirater. C'est pitoyable leur sécurité, là. Tu sais, c'est comme. Fait qu'à un moment donné, le monde, ils vont juste voir que c'est des pas bons. Puis ils vont juste dire, bon, moi, là, je suis écœuré de me mettre à genoux devant ce monde-là. Je commence à travailler d'une façon parallèle. Au lieu de sortir dehors avec des guns puis de demander du changement, parce que c'est pas le gouvernement qui va offrir du changement, c'est nous qui va le générer. Faut commencer à s'unir les forces ensemble puis de se mettre amis avec des gens qui travaillent dans le système puis d'utiliser la force de l'amour pour justement se protéger. T'sais, moi, je suis content d'avoir des amis policiers qui m'invitent à manger puis tout. Chris, tu penses-tu que ce monde-là, ils vont venir me donner des tickets? Ils vont empêcher n'importe quelle forme de police d'aller là. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de grave qui arrive. Mais il n'arrive jamais rien de grave. Parce que s'il y avait eu à avoir de quoi de grave, ils seraient venus en 18 mois. Puis c'est pas parce que. S'ils sont pas venus en 18 mois, ils viendront pas plus demain. Mais le monde a peur. Ah, ils vont venir vérifier. Ouais, peut-être pendant 2 semaines, ils vont faire des tours, là. Puis ils vont se promener, là. Puis à un moment donné, ils vont être écœurés de faire ça, fait qu'ils vont arrêter. Puis ils vont te faire à croire qu'ils passent de temps en temps en faisant un article publicitaire à TVA pour dire Hey, on a pogné quelqu'un qui n'a pas eu de code QR, puis là, le monde va avoir peur, fait que là, ils vont recommencer à le faire, comme le masque. Ils font pareil. Ben exactement, c'est qu'une fois de temps en temps, ils vont vouloir mettre la pression. Puis moi, j'ai l'impression que ça risque d'arriver là à l'automne. Là, ils vont probablement nous dire que ben là, finalement, là, les cas augmentent, même si le passeport vaccinal. Fait que là, il va falloir qu'on retourne en confinement. Fait Mais la que réalité, c'est qu'ils t'empêcheront jamais d'acheter de l'épicerie. Fait que tant et aussi longtemps que t'es bien chez vous, ben t'es correct. Oui, par contre, un peu comme en France, c'est qu'au Québec, on y va d'une manière graduelle, peut-être un peu moins agressive. C'est que au Québec, Monsieur Dubé, le ministre de la Santé, a dit, oh, ça va être les services non essentiels, mais en France, c'est le code QR qui est requis aussi pour aller à l'hôpital. Quelqu'un qui veut rentrer à l'hôpital, faut qu'il ait une preuve de passeport vaccinal ou qu'il fasse un test là, à l'entrée de l'hôpital, là. Fait que c'est quand même très contraignant, là. Oui, jusqu'à ce que à un moment donné, tu aies vraiment besoin de. Mettons, une affaire comme moi, comme un accident, ils vont te soigner instantanément parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est des gens qui sont de cœur, ça, là. Moi, j'en ai connu tellement des médecins, des infirmières à travers mon périple dans les hôpitaux, puis c'est du monde qui ont des grands cœurs. Jamais, jamais ces gens-là vont refuser un patient. T'es-tu malade? La TV peut bien dire ça, mais la réalité, là, c'est que ces gens-là, c'est du monde qui sont dévoués. Puis du monde dévoué de même pour sauver la vie des autres, là. T'arrives avec un accident, tu viens de faire un accident de char, tu penses-tu qu'ils en ont de quoi à foutre de ton statut vaccinal? Ils vont te soigner parce que c'est leur job, c'est ça qu'ils aiment faire, puis c'est de même qu'ils vont chercher leur fierté. Hey, tu penses. Jamais. Peut-être toi, là, que t'as un examen parce que t'as mal à la tête, puis t'as un rhume, là, ils vont te gosser un peu, là, mais quelqu'un qui rentre d'urgence, Non, là. non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, au niveau éthique, si la personne, sa vie est en danger immédiat, ils sont supposés de la prendre pareil, là, tu sais. C'est le premier principe de la médecine, selon Socrate, ne pas nuire. Ne pas nuire. Puis eux autres, ils vont fonctionner selon ce code médical-là, parce que ça, c'est un code qui est non seulement médical, mais moral. Puis c'est des gens moraux. Je te dis pas que c'est du monde qui sont toujours des grands savants, là, t'sais, des fois sont un peu limités. Moi, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont dit qui ne se sont pas avérées vraies parce que je savais faire autrement pour me guérir. Mais c'est du monde de bonne volonté, puis c'est pas des gens qui veulent ton mal, puis c'est pas du monde qui essaie d'être orgueilleux. Ils ont appris les choses d'une certaine façon, puis ils les imposent de cette façon-là. Il y en a que quand tu leur expliques pourquoi t'es pas d'accord, ben ils réalisent que, ah oui, ça fait du sens, c'est correct. Fait que c'est pas du... Non, moi j'ai... C'est vraiment un gros, gros fear-mongering dans les médias, une grosse balloune, là, mais c'est... Dans la réalité, là, pas grand-chose de ça. Non, exactement. Ou sinon, dans la réalité, ben la menace du coronavirus, je veux dire, là, on est rendu à la fin du mois d'août, puis y a pas de morts qui sont, en tout cas, de ce que j'ai vu au fil des dernières semaines, il n'y a pas de morts à chaque jour, là. Non, il n'y en a pas de mort parce que c'est pas le temps du monde mort, qui meurt. Le monde, il meurt l'hiver, pas l'été. En tout cas, du moins, pas beaucoup l'été. Ben, à chaque année, avec la grippe saisonnière, habituellement, le taux de mortalité, ben, c'était plutôt justement là, quand la température est froide, que les gens sont confinés à l'intérieur, c'est-à-dire les mois janvier, février, dans ce coin-là. Ça, c'est un autre aspect. Depuis le 20 mars 2020, la grippe saisonnière, l'influenza, n'est plus testée par l'Institut national de la santé publique au Québec. Fait que là, les seuls tests qui sont, c'est le COVID. Fait que c'est comme... On donne l'impression, ah, ben la grippe a disparu, tu sais. Ben, la grippe, elle n'a pas disparu puisque le test PCR peut tester autant l'ARN de la grippe que l'ARN de la COVID puis pas faire la différence à moins d'un test plus approfondi. Ben, c'est Fait qu'on ça. va s'en laisser là-dessus par rapport à ça. Puis la raison pourquoi il y a beaucoup de gens malades l'hiver, bon, faut pas sous-estimer l'impact du stress non plus sur la santé des gens. Quand tu fais perdre des emplois, t'impliques des mesures, tu sais, c'est la torture ce qu'ils font aux enfants là, Ben en ce oui. moment là. C'est terrible. Moi, j'ai jamais vu ça là. Moi, j'ai jamais toléré un enfant dans mon centre pas de avec un masque, là, c'est tu m'enlèves ça immédiatement, là. Puis j'ai jamais eu de problème pour ça non plus. À part une couple de fanatiques là, qui trouvent ça drôle de mettre des masques à des enfants de 2 ans parce qu'ils disent que leur enfant il joue à un jeu, là. Mais ça arrive pas souvent, là. En général, les parents sont contents puis les enfants sont contents. Fait que c'est sa pente descendante en esti, là. Les gens sont à bout puis il y a une limite à ce que tu peux jouer avec les nerfs du monde avant qu'ils se rebutent. Bien, c'est ça, ouais. Les statistiques du décrochage scolaire en passant, ça, dans les médias officiels comme le Journal de Montréal, ont sorti qu'il avait augmenté en un an, là. Donc, autrement dit, il y a plus de décrochage scolaire. Fait que là, c'est sûr que les dommages collatéraux des mesures, au fil des semaines, des mois, on commence plus à les sentir, là. Ben oui. Puis cet hiver, ça va être dur, les hospitalisations puis les décès, pour la simple et unique raison que, de un, la COVID, elle existe encore. Il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens que leur santé a été affectée pendant 18 mois. Il y a des gens vaccinés qui vont faire des réactions négatives au virus parce qu'ils n'auront pas les anticorps pour les nouveaux variants. Fait que le virus va avoir un impact différent sur eux. Fait qu'il va y avoir toutes sortes d'affaires qui vont faire en sorte que ça va avoir l'air pire. Mais la vraie chose qui aurait généré tout ce conflit-là puis ce chaos-là, c'est réellement le comportement ordurier des médias. C'est ça qui génère le plus gros du problème dans la société aujourd'hui, c'est leur comportement là, vraiment nauséabonde, là, leur façon de faire, l'espèce de cassette de s'ils font une entrevue avec quelqu'un, ça fait pas leur affaire, ils jouent une cassette puis ils coupent la personne. Tu sais, c'est Ah vraiment ben oui, ben dégueulasse. et dans le fond, à un moment donné, il y avait y avait un médecin là, de Réinfo-COVID qui a été interviewé par TVA. Puis, dans le fond, il prenait des statistiques comme de quoi que le virus était moins pire que l'année passée. Puis, dans le fond, le docteur Béliveau, puis il se fait couper à la fin où l'animatrice de TVA dit « Vous allez vous faire vacciner. » Allez vous faire vacciner le monde. N'oubliez pas de vous faire vacciner quelque chose comme ça. Mais le gars, pendant à peu près 3 ou 4 minutes, faisait la démonstration qu'il y avait moins de cas, puis c'était comme moins pertinent. Puis elle n'a pas écouté ce qu'il a dit, puis message vaccinal, tu sais. Ah, c'est des soucoupes volantes. C'est du monde qui ont pas. C'est des coquilles remplies de croyances puis remplies de profitabilité. Eux autres, ils profitent de quelque chose. Mais ils Parce que croient qu'ils faut vraiment font. que tu n'aies pas d'esprit pour être capable de te prendre au sérieux avec quelque chose de même. C'est ça, mais eux autres, ils croient qu'ils font le bien, là. Ils croient qu'en faisant ça, ils sauvent des vies, là, en incitant les gens à se faire vacciner. Ils jouent au sauveur. Ben définitivement. Mais la réalité, c'est que l'opinion publique est très, très différente de ce qui est véhiculé par la télévision. Fait qu'ils perdent énormément de crédibilité, mais c'est ça, comme je te disais, on parlait d'orgueil tantôt. Ben, ces fameux orgueils-là. Hey, quand tu coupes un médecin, toi, t'es une tête parlante là, avec un écran vert en arrière, là, puis t'as tellement un sentiment d'importance que tu peux te permettre de couper quelqu'un qui a plusieurs années d'études universitaires, puis d'essayer de le mettre dans la boîte en lui faisant dire des affaires qu'il veut pas dire. C'est médiocre, là. T'sais, les médecins, ils se comportent bien. T'sais, quand je regarde, mettons, le docteur Béliveau qui parlait à TVA, je pense, avec un... Il a vraiment été respectueux parce qu'il aurait pu le câlisser à terre en 2 secondes. Là. Mais, tu sais, il prend son temps, puis tout, puis il se fait couper la parole, puis il se fait envoyer il se fait balancer des faits qui sont pas réellement des faits, mais plutôt des croyances ou... Puis il fait « Oh, t'as peur », puis là, il se fait couper, couper. « Ah, ben finalement, c'est tout le temps qu'on a... » T'imagines tes arrêts face à face, puis tu live, là, la caméra roule tout le temps, là. Ça prendrait 5 minutes, là, puis ça serait terminé. Avec pas mal n'importe quel médecin ou infirmière qui regarde qu'est-ce qui se passe. Ben non, c'est ça. Les médias, en fait, ce que j'observe, c'est qu'ils vivent sur le respirateur artificiel du gouvernement, que ce soit la presse écrite ou les bulletins de nouvelles, qui sont financés massivement, coups de millions à chaque mois depuis le début de la crise par le gouvernement du Québec. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr que les médias ne mordront pas la main qui les nourrit. Fait que là, ils sont très complaisants. Dans les points de presse, les journalistes, depuis plusieurs mois, ce que je vois, c'est tout le temps des journalistes qui vont poser des questions, non pas pour amener le gouvernement à clarifier des choses ou à le confronter, mais pour avoir plus de mesures, tu sais. Puis ils vont féliciter le gouvernement, puis ils vont en demander encore plus, tu sais. Oh, mais ça, c'est une pièce de théâtre, ça. Parce que la minute qu'il y a quelqu'un qui pose une question qui est hors du contexte, le ministre en question, que ce soit la mairesse Plante ou n'importe quelle personne, M. Legault, tout, il va juste générer de l'évitement. Il va faire à croire que t'es pas en droit, là. T'as pas le droit de parler, là. T'as parlé trop longtemps, puis t'as posé trop de questions, puis c'est pas le temps de parler de tout ça, puis... Tu sais, t'es en train de violer la Charte des droits et des libertés par discrimination, créer de la discrimination d'un pourcentage d'individus qui a probablement des raisons valables de ne pas se faire vacciner. Puis tu dis que c'est pas important de parler de ça. C'est le plus gros viol qu'il y a jamais eu à l'humanité, là. Tu sais, dans le sens de... dans une société moderne, démocratique comme aujourd'hui, là. Tu sais, la dernière fois qu'on a eu des événements comme ça, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, tu regardes, mettons, là, le film Le Pianiste, là. Le début du film Le Pianiste, on dirait quasiment ce qu'on. Ah, là, je peux plus aller au parc. Ah, je peux plus aller au restaurant. Ah, je peux plus faire ça. T'es là, hein? T'as quasiment un déjà-vu, là. Tu sais, tu vis un C'est déjà-vu. ça, puis le gouvernement gouverne par décret. Ça se déroule en Pologne. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez le trouver là, sur Netflix. Il est disponible, là. Mais c'est ça, ce qui est intéressant dans le film, puis le parallèle qu'on peut faire avec notre société, c'est que progressivement, de plus en plus, des décrets qui diminuent les droits et libertés. Parce que le protagoniste, le personnage principal, c'est un juif. Puis finalement, ben progressivement, il peut de moins en moins se déplacer sous occupation allemande puis nazie. Mais lui réussit à rester en Pologne pendant toute la période d'occupation, jusqu'à temps que les Russes arrivent. C'est la beauté du show, c'est le fait qu'il y a eu la capacité de survivre là, à travers toute cette épreuve-là. Ah oui, et puis c'est juste un indice pour dire il faut avoir de la résilience. Il faut être fort mentalement, faut avoir une certaine voyance, faut développer une sensibilité qui nous permet de se glisser entre les fissures. Tu sais, Bruce Lee disait Be water, my friends. Dans le sens, il faut être de l'eau, faut être capable de se muter, il faut être à l'écoute, faut être capable de s'adapter à ce qui se passe, puis de rendre les choses non seulement tolérables, mais aussi exceptionnelles, parce que. On a une expérience de vie en tant qu'ego à vivre. Puis c'est important de la vivre pleinement, puis pas de la vivre dans le confin de nos craintes constamment, tu sais. Faut se dépasser un peu. Exactement. Fait que moi, dans le fond, comme ça fait un peu plus de 2 heures qu'on discute, je vais te proposer qu'on complète à présent l'enregistrement. Mais certainement. Puis, dans le fond, en guise de fin, je me demandais là, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, ça m'a fait du bien de jaser ça. Ça faisait longtemps, puis je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études présentement qu'on peut faire sur la société puis la conscience individuelle. Puis ça faisait longtemps, c'est comme qu'on pendant un bout, il n'y avait rien. T'sais, comme on étudie, on parle de la conscience, puis on se crossait dans les sphères psychiques, mais là maintenant, on peut vraiment utiliser le psychisme pour étudier un phénomène qui est politique, social, qui est, aux yeux de l'esprit, je trouve très pertinent. Moi, je bénéficie énormément. Il y a beaucoup de. On skill beaucoup en ce moment. Là, on évolue énormément. C'est bon. Oui, mais quoi que, dans le fond, avant qu'il y ait la crise, on pouvait évoluer autrement. Tu sais, j'ai vécu quand même des événements en choc. J'ai connu, dans le fond, un sinistre. Toi, de ton côté, tu as eu quand même ton accident. Donc, on s'est développé à un certain niveau. Sauf que là, la particularité, c'est que la crise, en durant longtemps, c'est un petit peu, comme les rounds, quelqu'un qui fait de la boxe. Donc, le premier round, c'est facile. Deuxième, là, c'est un petit peu plus difficile, ainsi de suite. Fait que là, il y a comme une usure qui se crée au fil des mois. Puis moi, l'objectif, ben, c'est de rester centrique. L'usure, elle se fait dans la mesure où ce que t'es assujetti au sens. C'est là qu'elle se fait l'usure, parce que moi, j'en suis un combattant, j'en ai fait des combats, je fais de la boxe thaï. Je sais c'est quoi faire 5 rounds. Je sais faire c'est quoi faire 5 rounds avec un adversaire qui est plus fort que toi. Puis je sais aussi, maintenant, après avoir mangé bien des volées, qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de toffer 5 rounds. Puis la seule affaire qu'il faut faire, c'est de lâcher prise, puis d'être à l'écoute de ce que le corps il est capable de faire, puis de qu'est-ce qu'il veut faire, puis d'être détendu, puis d'être prêt. Parce que quand tu es détendu, tu peux générer de la force rapidement, puis pas gaspiller de l'énergie. Si tu es en état de panique dans un ring, là, puis tu te bats avec quelqu'un d'autre, puis tu es tout tendu, là, ton corps il produit tellement de déchets qu'en l'espace de 1 minute à 3 minutes, tu vas être démoli. Tu n'auras plus de gaz. Tu vas avoir l'impression que tu respires du feu. Fait que tous les gens qui se fâchent contre ce qui se passe versus les gens qui se fâchent contre ceux qui se fâchent. Tu comprends ce que je veux dire? Ils brûlent du gaz. Là, ils sont en résistance, ils sont dans les rings, là, puis là, ils essaient de se battre. Là, au lieu d'attendre que l'adversaire les tape, puis de faire juste une contre-attaque quand c'est nécessaire, puis de toujours bouger. Dans les rings, tu restes pas sur place. Puis il y en a qui lèvent les gants, là, puis là, ils se mettent dans le coin, là, puis ils mangent des coups, là. Non, non. La meilleure défense, c'est l'attaque. Fait que, quand tu te fais attaquer, contre-attaque tout de suite, comme ça va créer d'équilibre. Mais faut s'entraîner à ça, dans le sens faut s'entraîner, faut d'abord se regarder puis dire bon, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, au lieu de mettre ça à la faute de tout ce qui se passe autour de soi. Je comprends que c'est de l'estime de marde, mais c'est de l'estime de marde parce qu'on n'est pas créatif. Faut pas l'oublier ça. Non, non, exactement. C'est sûr qu'il faut être capable de développer sa résilience par rapport aux oppositions qui viennent de l'environnement. Puis là, on est dans une espèce d'initiation collective, l'initiation COVIDienne, que j'ose appeler, où au quotidien, on est confronté aux mesures très strictes liées à la crise. Puis le gouvernement fait des tests avec nous autres. À un moment donné, c'est le couvre-feu. À un moment donné, c'est la fermeture, des commerces jugés non essentiels. À un moment donné, c'est le port du masque. Puis là, c'est la phase du passeport vaccinal. Ah oui, puis ça fait partie de la game. Non, exactement. Fait que c'est sûr que moi, je trouve ça intéressant de discuter avec toi parce que, dans le fond, tu nous ramènes à l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas stresser avec la crise. Puis, un peu comme l'image de quelqu'un qui fait de la boxe, ben, c'est la personne qui est calme, qui est disponible, ben, gruge moins, dépense moins d'énergie inutilement, là. Ah oui, tu sais, juste pour faire une parenthèse pour finir, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu le film Apocalypto qui a été réalisé par Mel Gibson. Oui. Mais tu sais, dans le film Apocalypto, quand au début, je pense que c'est des Mayas qui envahissent leur village, puis ou des Aztèques, je sais pas trop, je connais pas très bien spécifiquement les tribus dans ce film-là, mais bref, tu as des gens qui viennent attaquer leur village, puis à un moment donné. Ils se font capturer le protagoniste du film, puis son père, puis là ils découvrent que c'est son père, fait que là ils décident de l'assassiner. Puis je me rappellerai toujours de cette partie-là dans le film, parce que j'avais trouvé ça vraiment touchant quand son père il regarde son fils, il sait qu'il va mourir. Là. Puis il dit à son fils, Don't be afraid, my son. Il est capable de faire face à la mort certaine sans broncher. Puis non seulement il n'est pas dans la panique, il n'est pas dans la résistance, il accepte pleinement parce qu'il sait qu'il n'y a rien à faire anyway, puis que s'ils se rebutent, ils vont les tuer les deux. Fait que par amour pour son fils, il se sacrifie, tu sais. Puis je dis pas qu'il faut se sacrifier, là, mais je veux juste dire, ça, là, un humain qui peut mourir de même, là, avec du courage puis du feu, là, dans les yeux, là, pour moi, ça, c'est la réussite ultime. devrait toujours essayer d'aller dans cette direction-là. T'sais, on ne devrait pas essayer de se rendre confortable et de vivre de l'évitement constamment de tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait faire de l'anxiété. T'sais, nos ancêtres auraient honte là, de notre comportement. T'sais, t'as des gars de 17 ans là, qui débarquaient avec des péniches sti, sur le bord de la Normandie, qui étaient sous feu d'MG-42 puis d'artillerie allemande. Là, 17 ans. Puis nous autres, on est là, puis on n'ose pas là, résister les mesures parce que d'un coup, j'aurais un ticket que je pourrais pas contester. Là, tabarnak, guys, come on. Ouais, ben on est devenu plus pantouflard. Et boy, tu dis. C'est ça, ben écoute, on va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui comme ça. Fait que ça a été un plaisir renouvelé de discuter avec toi. Ça faisait quelques mois là, qu'on avait parlé ensemble. Fait que Yes. c'est le fun de faire un petit peu là, un suivi là, où est-ce que tu en es rendu, là. Puis j'étais bien content de pouvoir discuter ce sujet-là avec toi également. Bon, ben, c'est excellent. Fait que à bientôt, Olivier. À bientôt. Bye.